les champions, putain! On est les champions! Non mais tu le crois ça? On est les champions! Non mais c'est fou! Bon, le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 coupes de France, 10 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et désormais 2 Ligues des champions. Montpellier est sur le toit de l'Europe! Et bonsoir à tous et bienvenue sur Sport & Chill. Nous sommes le 17 décembre et c'est l'émission 15 de cette saison 4 et la dernière émission de l'année 2018. Déjà. Et pour finir en beauté, on fait un, comme l'année dernière, un quiz de fin d'année sur tous les sports qui ont eu lieu dans cette année 2018. Il nous en manquera que deux, le cyclisme et la Formule 1 qu'on a déjà fait il y a un mois à peu près. On exact. A fait un quiz là-dessus. Donc il n'y aura pas de questions Formule 1 ni de cyclisme, ça va ravir certains peut-être, voire... ça va décevoir d'autres. On pense, on sait qui. Ou même réjouir certains, oui. Voilà, donc c'est une soirée exceptionnelle ce soir, donc un large bilan aussi de nos chillers, en parallèle aux chillers, sur les différents sports qu'on va aborder. Donc du coup ce soir, pas de résultats généraux ni de résultats montpellierains, pas de débat, pas d'agenda, mais bien donc des quiz de différents sports qui ont marqué l'année. Parmi ces événements marquants, donc d'autres moins marquants, on verra ça plus tard. Et à chaque fin de quiz, un chiller nous donnera son top, son flop, son match de l'année et sa révélation de l'année sur le match, enfin sur le sport qu'il représentera. D'accord ? D'accord. Sur les sports qu'il y a ce soir, il y a le tennis, il y a la NBA, il y a le rugby, il y a les sports montpelliérains, il y a les autres sports. Donc en les autres sports, il y a quoi ? Il y a du handball, il y a du sport d'hier parce qu'il y a les JO, hein, évidemment. Il y a la boxe, il y a de la moto, il y a etc. etc. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts en effet. Et évidemment, on terminera. Il y aura le ping-pong aussi. Avec du football, évidemment, le sport phare. Hein, avec cette Coupe du Monde qui nous a tous émus cette année. Bon. Je vous présente ce soir parce que j'ai oublié de faire l'essentiel. On aura DJ Tim qui est Mister Tennis ce soir. Bonsoir Tim. Salut à tous, salut. J'allais dire lieutenant Romain qui est en retard. Aux abonnés absents. Ouais, aux abonnés absents qui prendra des points de suspension. Hein, s'il est dans sa voiture. Match à huis clos pour Romain. Ouais, non, match à huis clos. Exclusion. Ouais. Tout comme son Daniel Elena ce soir. Ouh. Qui doit être à côté de lui dans la voiture. Guillaume le Georgien qu'on va l'appeler ce soir, qui représentera le rugby tout à l'heure. Il y a notre Guillaume, le scouser cette fois-ci, oui. Qui représentera les sports montpelliérains. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, et je tiens à rappeler que Liverpool a battu Manchester United 3-1 hier soir. Merci Guillaume. C'est ciblé. Hein, pour on a ce soir aussi Alex, l'homme du terroir un peu, qui représentera l'homme de province. Hein. Cette fois-ci, j'ai pas mis mon gilet jaune. Cette fois-ci, les autres sports. On a également le champion de QPUC de Question pour un champion. Yacine qui prendra le sport phare qui est le football ce soir. Bonsoir Yacine. Bonsoir, c'est mieux que de me présenter en tant que Milanais. Hein, en effet, il faut changer de temps en temps. Hein. Ouais, les temps sont durs. Bonsoir à tous. Dernière chose avant de commencer les quiz, cette année une nouveauté. J'en ai parlé à certains chillers, pas d'autres. Vous avez deux bonus ce soir qui seront à votre disposition pour ces 80 questions à peu près. On a le peak time en référence à Tim. Donc le peak time, c'est l'apogée d'un sportif. Donc ça sera votre apogée. Avant que je pose la question, vous pourrez dire peak time et votre résultat sera multiplié par 2, tout simplement. Donc imaginons, je fais une question Ligue des Champions foot. La personne dit peak time. Si elle gagne la réponse, elle prendra pas un point, mais deux points. Voilà, tout simplement. On a le droit qu'à un seul peak time. On a le droit qu'à un seul peak time dans la soirée. Et l'autre bonus, c'est le Helibop. Le Helibop, ça, c'est ma petite. on met une casquette, c'est ça C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'êtes pas, fort dans une question, imaginons Ligue des Champions de volley, vous dites Helibop et vous participerez pas à cette question. Cependant, vous aurez le point, quoi qu'il arrive. Donc, c'est-à-dire que c'est le point du match nul. Qui est donné au coup d'envoi, voilà, tout simplement. T'aurais pu dire aussi contre, le Jean-Marc Furlan. Le jeu de Jean-Marc Furlan, le. Il y a en fait tous les entraîneurs de Ligue 1. Mais Helibop, il me fait plaisir, donc voilà. C'est bon, vous avez compris les bonus. On est d'accord. Très bien. Ça sera avant la question et pas après, hein, on est d'accord. Entendu. On va commencer avec tout simplement le tennis. Ouais, alors on va commencer. Non, monsieur. far in this match, right? You have an overall of 8. No mistakes whatsoever. Second stop, yes. Answer my question! The question, jerk! Et les Suisses, Roger Federer. Voilà, c'était le petit jingle tennis qu'on avait mis l'année dernière, que j'ai voulu reprendre cette année. On a entendu du petit McEnroe, du Connors ou McEnroe. C'était bien McEnroe, hein, okay, ouais. Petite colère de McEnroe. Bon, pas étonnant. Et donc, on va commencer par la parole de Tout Chiller, étant donné qu'on a deux retardataires. Tennis, Tim, tu nous fais l'honneur de commencer avec le tennis. Quel est pour toi donc ton top de l'année de cette saison tennistique 2018? Alors, qu'entends-tu par top? Est-ce que c'est le joueur vraiment que je dois ressortir ou... Ça peut être général, hein, ça peut D'accord. être un tournoi, ça bon, peut être un joueur, ça peut être... Écoute, logiquement, le top de l'année restera Djokovic pour son comeback qu'il a réalisé. On sait qu'il était un petit peu dans les profondeurs du classement à un moment, il n'y arrivait plus, notamment la saison sur Terre, et il a marqué un retour tonitruant vraiment caractérisé à partir de Wimbledon, qui a vraiment consacré son retour au premier plan, où il s'est imposé face à Kevin Anderson en finale. Et pourquoi je dis Djokovic? Parce que c'est celui qui ensuite a imposé sa suprématie à la mi-saison. Alors c'est vrai que la première partie de saison il n'a pas été là, mais sur les 4 grands chelems fatalement il en gagne 2. Donc c'est pas possible de ne pas le citer. Il fait aussi finale à Paris-Bercy, il fait finale au Masters de Londres. Il aura été quasiment imbattable à la fin de saison. Donc je suis obligé de dire Djokovic pour le top joueur. Ça marche. Et ton flop cette fois-ci de cette saison? Alors flop, moi j'en avais noté pas mal. J'en ai 2. J'en ai un qui est un peu plus générique. Est-ce que tu mets des Français dedans? Bah voilà, en fait c'était ça. Mon deuxième flop, c'était le tennis français cette année. Ouf. À savoir que on a que 4 titres cette année en 250, vraiment des 250 mineurs, et on a vu aucun Français vraiment faire un résultat notoire en majeur. Donc j'entends un Masters 1000 ou même 500, et à fortiori dans les grands chelems. On parlera dans le quiz en effet. Donc en tête de gondole, je mettrai Lucas Pouille, qui n'a absolument pas confirmé son année 2017. Mais sinon, mon plus gros flop de la saison 2018, c'est Grigor Dimitrov. Parce que Grigor Dimitrov s'était imposé au Masters de Londres l'année dernière. Il avait remporté son premier Masters 1000 à Cincinnati. Et cette année, j'ai jamais vu un joueur autant perdre son tennis. Mais c'est incroyable. Il est complètement tétanisé. Il fera plus un revers. Lui qui était si beau esthétiquement à avoir joué cette année, il est. Je sais pas. Il s'est complètement. Il a pas du tout réussi à assumer son statut. Et en grand chelem, il n'a pas dépassé le stade des 8e de finale. Donc je suis obligé de dire Dimitrov par rapport à la saison qu'il a fait l'année dernière. Est-ce que gagner un Masters pour toi, enfin aussi en fonction des blessés, parce qu'il y avait pas mal de blessés aussi l'an dernier au Masters de Londres, est-ce que pour toi ça signifiait vraiment changer de statut pour Dimitrov? Oui, normalement ça aurait dû enclencher vraiment une dynamique positive, et j'entendais pas par là qu'il aurait dû faire finale de Grand Chelem par exemple, mais au moins on aurait dû le voir dans le dernier carré d'un des 9 Masters 1000, ce qui n'a même pas été le cas. Donc il a fait cette saison assez exceptionnelle l'année dernière. Mais après, c'est ce que tu dis, c'est qu'il y avait énormément de blessés dans le tableau. Il n'y avait ni Djokovic, ni Federer, ni Nadal. La finale, c'est Goffin. Il y a en tant que numéro 3, il gagne en tant que numéro 3 mondial. Ou alors il termine l'année en numéro 3 mondial. Dimitrov? Ouais. Ouais, il termine numéro 3 mondial. Bah, même s'il ne gagne pas le tournoi, voilà, tu peux te dire tu dois attendre mieux en 2018. Mais si on n'a pas trop la place pour les réactions, malheureusement. Okay. Pardon. Non, pas de soucis. La révélation. C'était assez. Oui, la révélation de l'année. Hein. Alors, la révélation, il y a eu vraiment une mise en abîme de la Next Gen cette année. Mais si je dois dire une révélation, je suis obligé de dire Stefanos Tsitsipas. Faut savoir qu'au début de la saison, il était 112e mondial. Et il a intégré le top 15 en faisant finale à Toronto et vraiment en revenant au premier plan sur plusieurs majeurs. Donc j'attends de lui une confirmation en 2019, mais je suis obligé de dire Tsitsipas. Ça marche. J'aurais pu dire Coric, mais je dis Tsitsipas quand même. Il a quand même bien prouvé plus que d'autres cette année, le grec. Ouais. Et donc dernièrement, ton match de l'année pour toi en tennis? Le match de l'année en tennis, ça il est assez dur celui-là. J'hésite. Djokovic de Bercy. C'est ce que j'allais dire. Le match qu'on proposait Djokovic et Federer en termes de niveau de jeu pur était peut-être le plus beau match de l'année. Après, si je devais citer un deuxième match, en retournement situation improbable, je dirais sans doute. de par son scénario complètement imprévisible. Je dirais peut-être John Millman contre Roger Federer, l'Open d'Australie, où on a l'impression que le match est donné pour Federer et Millman revient d'entre les enfers, dont on ne sait où. Donc, okay. Pas Open Australia, pardon, US Open. US Open. Ok, très bien. On a notre petit point tennis de la soirée. On va passer aux choses sérieuses. On a attendu nos retardataires Romain et Guillaume. Bonsoir. Guillaume, tu prendras le micro avec Alexandre, même si vous jouerez séparément ce soir. Et Romain, tu prendras le micro avec Yacine, même si vous jouerez aussi séparément ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes déjà dans le bain, là, direct? On est prêts, on vous a écouté. Est-ce que tu as est-ce que, mon cher Tom, tu as une petite musique pour bien nous faire stresser? Oui, il a tout à fait. Hein, il est fort. Il a stock, meilleure technique du monde, évidemment. Allez, on va commencer. Première question. Australian Open. Je rappelle pour nos... pour ceux qui sont là, est-ce que vous avez entendu les bonus? Oui. Il y avait un malus pour Romain, c'est ça? Il y avait un malus pour un malus. Romain. Il a un souci, Daniel Elena. Et pour Daniel Elena. Il ne gagnera pas le Grand Prix du Mexique. Hélas. Allez, première question. Australian Open. Qui a dit: le médecin n'avait pas de réponse pour moi. Il m'a rendu fou. Il m'a dit: bois. Kyrgios. Kyrgios. Je lui ai répondu: mais gros, tu crois que je fais quoi? Non, Tsonga. La Yanni. Tsonga. Mon fils. Mon fils. Quel point. Mon fils? C'est qui a dit mon fils, Tim? Moi. Je continue. Donc, donne-moi un truc, mais il n'avait rien pour moi, à part me dire de mettre du sel dans l'eau. J'ai attendu de retrouver un peu mon souffle pendant 40 minutes. J'étais juste mort. Il faisait tellement chaud. Gaël Monfils, dans son match contre Novak Djokovic, où il faisait 69 degrés Celsius sur les cours de l'Australian. Ah oui, mais sur la piste, c'est la température sur le cours. Je pense que c'est pas. Ouais, sur le cours. Sinon, tu meurs, je pense. Oui. Allez, notre question. Australian Open. Rapidité. Une Française s'impose donc dans le tournoi double, c'est Kristina Mladenovic, mais avec quel coéquipier? Babos. Yacine, point. Et tour de table, d'ailleurs, à combien est-elle de titres en double, Kristina Mladenovic, dans l'ensemble de sa carrière? 12. Tour de table. En grand chelem. Je commence, 12. En grand chelem. Ah, en grand chelem. En grand chelem. Pour moi. Yacine, point pour le tennis. Je vous laisse un peu réfléchir, mais Yacine, oui. Je vais dire 8. Non, mais je dis ça au pur hasard, les gars. Allez, Tim. J'adore, mais... Alain Tox. Combien? Un seul. De titre en double. En grand chelem. En grand chelem. Ouais, je suis en broquin. Je vais vérifier parce que vous mettez le doute. Alex. Deux. Quatre. Trois. Moi, je dis deux. Tu dis deux. Je vais regarder. Allez, exactement à 4. Ah ouais, quand même. Non, je déconne, elle est à 2. Bon, je crois que je vais prendre le Ilibot pour la prochaine question. Bien sûr. Alors, l'Australienne et Roland Garros. Non, elle est à 2, qui c'est qui a dit 2? C'est moi. L'Australienne et Roland Garros. Yacine. Je gruge dès le début, les gars. Allez, donc point pour Alex et point pour Romain. C'est bon, j'ai fait un, je peux m'arrêter. Allez, rapidité. Question terre battue. Quel est le seul joueur, ça va aller rapide, hein, avoir battu Rafael Nadal Dominique cette année Thiem. Sur terre battue? Zverev. Dominique Thiem, point. Ouais, oui. Où ça? À Barcelone. Non, à Madrid. Ouais. Madrid, point. Alex et Thiem. Enfin, Dominique Thiem, pas notre Thiem à la radio. Hélas. Tu as noté mon point pour Dominique Thiem quand même? Non, t'as dit Barcelone. Non, Thiem, c'est Yacine qui est. Ah, c'est Romain. Non, c'est Romain. C'est pour ça que c'est Romain. Je rétablis la vérité. La confiance. Ouais. Ok. Question Roland Garros. C'est dur de faire le tweet en même temps. Je vais me concentrer. Oui, concentre-toi. Je vais trouver. Roland Garros. Tour de table. Depuis quelle année les numéros 1 mondiaux, messieurs et dames, n'avaient-ils pas respectivement remporté Roland Garros la même année? Donc cette année, c'était gagné par Rafael Nadal et Simona Halep, les deux numéros 1 de ce tournoi. Là, depuis quand ça n'était pas arrivé? Et tu peux commencer, Guillaume. 1986. Romain. Oula. 2002. Yacine. Toujours dans le sens d'une montre. Allez, Yacine, tu as 5 secondes. 97. 97. 2007. 2007. 2007 aussi. 2007. 2000 bête du coup, j'allais dire 2008. Mais... Tu as dit combien, Guillaume, déjà? 1986. 86. Et Yacine, tu as dit combien? 97. C'est Yacine qui est le plus près, avec 1992, Monica Seles et Jim Courier qui s'étaient imposés. Je crois à Roland Garros. Il me semblait que Dinara en finale avait remporté en tant que numéro 1, mais... Point pour... Non, 2007, c'est N1. Hein? 2007, c'est N1, 2008, Ivanovic. Allez, ouais, question Wimbledon. C'est ça. On va faire aller un tour de table. Chacun. Si vous avez la mauvaise réponse, vous êtes éliminé. L'octuple tenant du titre, Roger Federer, s'est incliné cette année en quart de finale depuis 2003. Donc sa première victoire à Wimbledon. Quels sont les joueurs qui l'ont éliminé? C'est donc arrivé 8 fois, mais avec 7 joueurs différents. Et le premier qui va commencer, ça va être Alex. Bon, de toute façon, tu vas pouvoir faire la terre rapidement. Hein. Anderson. Le dernier, Kevin Anderson, en 2018. À toi, Guillaume. Guillaume le Géorgien. Aïe, aïe, aïe. J'ai 5 secondes, c'est ça? À peu près. Bon, tu as un peu le temps, mais... À la louche. Djokovic. Djokovic, en effet, 2 fois. C'est le seul qui l'a fait 2 fois, 2014-2015. T'en as des stats, Guillaume. Joe Wilfried Tsonga. Joe Wilfried Tsonga, en 2011. Je suis mal. Romain. Un truc, mais que je le sens pas du tout. Grosse cote, Sam Querrey. Éliminé, Romain. Yacine. Allez, Yacine. Tu as eu le temps de réfléchir. Jay Muller. Éliminé. C'était Nadal, oui. Sergei Stakhovski. Stakhovski en 2013. Alex. On sent les fans. Rafa. Rafa. Guillaume. Milos. T'es éliminé toi? T'es éliminé ou pas? Non, il y avait Djokovic. Ah, t'avais Djokovic. Ah, non, t'es pas éliminé. Moi, je vais être éliminé, non? Meuré. Meuré éliminé, en effet. Autant pour moi. Milos Raonic. Ouais. Milos Raonic. Il reste Tim. Si tu me donnes la bonne réponse, tout le monde a des points. Enfin, tout le monde. Alex et Guillaume auront des points. Il m'en reste un et je te donne un indice. 2010. 2010. Allez. C'est pas Lucas Rosol? Non, éliminé. Thomas Berdic. Ah putain, ouais. Point pour Alex et Guillaume. Un vainqueur de l'Open Sud en plus. C'est en 2012. Allez, hein. Question US Open. Tour de table. Serena Williams s'est inclinée cette année à l'US Open en finale contre Naomi Osaka. Une défaite sèche et qui a entaché sa carrière tant elle a passé ses nerfs sur l'arbitre de la rencontre. Serena s'est imposée 23 fois en Grand Chelem. Mais combien de défaites en finale de Grand Chelem? Ah, pas beaucoup. Tour de table ou rapidité? C'est tour de table. Les chiffres, oui, toujours. Oui, c'est vrai. Guillaume. 3. Guillaume Ashvili, je l'appelais. C'est pas ça la terminaison en Géorgie? 3 défaites, ok. L'autre Guillaume. Guillaumevic. 11. Le Serbe. 11. Romain. 8. 8. Yacine. 5. 5. Tim. 6. 6. 6 aussi. Point pour Romain, 8. En effet, 8 défaites en finale de Grand Chelem. Et comment il fait? Voilà, c'est de la moule. Là, je te le dis. C'est l'esprit. Question, oh, ça peur des mots. Tout dit. C'est l'esprit d'aider. Question Masters. 6 ou 8. Masters. Question Masters. C'est rapidité, mais vous avez le droit qu'à une réponse. Donc si vous avez faux, vous êtes éliminé. Qui a dit: aussi déçu puis-je être de cette défaite, si je regarde en arrière, je suis très heureux de cette saison. Roger Federer. Roger Federer, point. Bien joué. Il débloque le score. C'est beau. Ah, oh, j'y suis pas. Ça aurait pu être n'importe quel joueur. Oui. Question Coupe Davis. Rapidité. Pour cette dernière de la Coupe Davis, un nouveau record a été battu avec le chiffre 43. Je vais donner des indices petit à petit. Bon. Vous pouvez... Le nombre de jeux échangé pendant un match. Non. Le nombre de jeux marqués en simple. Par la France. Non. Le nombre de minutes passées sur le court pendant un match. Non. C'est dans le groupe Asie-Océanique, cela s'est passé. Le nombre de d'aces réussis pendant un match. 43 points consécutifs par un joueur. Oh, c'est impossible ça. C'est un ancien. Le joueur le plus âgé a foulé un court pendant un match. Précise. En Coupe Davis. En Coupe Davis. Attends, Yacine précise. Le joueur de tennis masculin le plus vieux de l'histoire a foulé un joueur à la personne. C'est un Indien. Marcos Bagdatis. Non, il fait priorité. Un Indien très connu du monde du tennis. Enfin, je crois que c'est un Indien. Mais oui. Ram. Non. Singh. Très connu c'est dans l'arbitre. Très connu dans le double. Oui, oui. Je vois de qui tu parles. Oui, je l'ai. Je peux dire. Oui. Lander Paes. Donc précise. Et Lander Paes est le joueur le plus âgé à avoir joué en Coupe Davis. Précise. En double. Double. Point. Merci Yacine. J'avais simple ou double, j'avais le choix. On pourrait partager le point. Oui. Quand il a dit précise, allez, j'ai compris qu'on parlait de double. Tour de table. Français en grand chelem. Qu'est-ce que tu montes cette année. Toujours pas de bonus. Elibop. Non. J'allais dire. Aucun Français et aucune Française dans au moins un quart de finale de grand chelem cette année. Cela n'était pas arrivé depuis quand. C'est Tim qui commencera, justement. Je l'ai, le joueur. C'est une année qu'on cherche, je pense. Ouais, j'hésite, mais je crois que c'est 2016. Aucun Français et aucune Française dans au moins un quart de finale de Grand Chelem. 2010. Guillaume. 2011. Guillaume, l'autre Guillaume. Allez. 2007. Mais non, en 2007, il y a Bartoli en demi. J'ai joué. Romain, vous avez 2014. Le temps, messieurs. 2014. Yacine. En finale même. 2015. Qui c'est qui a dit le plus vieux? Ah, c'était il y a très longtemps. 2010, moi, j'ai dit 2010. Ah, 2007. 2007. Non, c'est 2000. Attends. T'as dit 2007 le plus vieux? 2007, ouais. Non, je vais pas donner le point parce que vous êtes très très ouais, loin. 1980. Ouais. Ah, mais en plus, c'est... on a parlé. Mais attends, aucun Français qui a atteint au moins les quarts de finale dans un grand chelem. C'était pas arrivé. D'accord, depuis. J'avais pas du tout compris la question. Pour moi, c'était quel est le dernier Français, dans quelle année le dernier Français a atteint un quart de grand chelem? Ouais. Non. C'est peut-être moi, donc après arriver à Yannick. Non, j'avais compris la question. On t'a suivi. Ouais, du coup, je pensais à Lucas Pouille, à l'US Open. Mais allez, ah oui, non, oui. Qui suis-je? Rapidité. Né le 30 septembre 1992, dans un pays européen, je suis professionnel en 2010. Dominique Thiem. Non. Zverev. Tsitsipas. Non, je vais maintenant mettre qu'une réponse seulement. Ah. Vous êtes éliminé, les gars. Non, je ne vais pas éliminer, mais à partir de maintenant, c'est une réponse. Les gobelets de pise ont commencé à être envoyés. Ma carrière reste assez brève, même si j'ai déjà joué sur les deux tableaux en simple et en double. Après 6 ans, ma carrière connaît un arrêt pour quelque chose qui ferait rougir nos frères Karabatic. Kyrgios. Éliminé. 18 mois de suspension, mais réduit à 12 mois. Goulbis. Éliminé. Je reporte mon premier tournoi majeur avec Budapest que je gagne en tant que statut de lucky loser, puis un autre titre. Artomic. Éliminé. À Umag, entre ces deux titres, un événement majeur avec une grosse performance dans un grand chelem, alors classé 59e mondial. Janovic. Quoi? Janovic. J'ai pas son éliminé. Je passe difficilement au premier tour contre Marius Copil, mais je défais Kano Bustak, David Goffin, Novak Djokovic. J'échoue contre Dominic Thiem. Dans cette demi-finale de Roland Garros, je suis italien et je suis demi-finaliste. Cecchinato. Qui c'est qui l'a dit? Cecchinato. Romain. Ouais, de Grand Chelem en 2018, je suis dans Marco. Dans ce jeu, en fait, faut fermer sa gueule, t'attends le dernier indice. C'est la prise de risque qui paye. Tu la pousses au fond, quoi. C'est la prise de risque qui paye. Allez, dernière question. D'accord. Moi, je prends le Libop sur les dernières questions de tennis. Dernière question, tu prends le Libop? Oui. Attention, c'est une fois dans la soirée. Oui, mais je suis une vraie au tennis. Allez, tu prends le point du coup. Allez, deux points sur le tennis. C'est une question Open Sud de France. Et là, c'est un nouveau type de question. Attendez avant de répondre. Je voulais que vous citiez les 4 finalistes non français du tournoi simple de l'Open Sud de France depuis sa création en 2010. Celui qui fera le plus gros en chair pourra le faire. Tu veux quoi, les finalistes? Les 4 finalistes. Celui qui les a. Gagné ou pas gagné? Peu importe, j'ai finaliste. J'en donne 2. Yacine en donne 3. Qui dit mieux? Pour l'instant. Celui qui a les 4, mais qui a faux, ce sera ceux qui ont 3 qui prendront le point. Yacine a 3. Qui dit mieux? On est 2 moi pour l'instant. Je vous donne 10 secondes. S'il n'y a pas meilleur en chair. Attends. Yacine en dit en premier qu'il avait 3. Donc c'est lui qui commencera. Bah, se met bien les 4. Allez. T'en as 4? Moi je serais faux. Mais ouais. J'en ai 2. Il a tenté. Vas-y. Tsonga, Gasquet, Pouille, Berdych. Allez, je repose la question à Alexandre. Non français, ça n'a rien compris. Non français. Sortez-le. Yacine, il peut y avoir des moins 1 ou... Yacine, tu auras ton point déjà, mais je veux bien que tu tentes le truc. Moi j'en ai 2. Allez. Bah non, c'est 3 que tu as. S'il en donne aucun, il a pas le point. Non mais il a joué, il a normalement. Comme j'ai dit, celui qui donne les 4, c'est celui qui est juste après qui prendra les points. Quoi, comme moi avant avec les quarts là. Allez. Berdic. Zverev. Oui. Zverev. Ouais, Medvedev. Medvedev. Non. Non, non, non, Medvedev. Le premier en 2010, Lubicic. Et oui, ouais. Et bien sûr. Et Janovic. Janovic. Janovic, ouais. Moi j'avais Berdic et Zverev. Donc personne prend les points. J'avais aussi que Yacine prendra les points parce qu'il avait tenté. Il fait une demi, Medvedev. Janovic fait 10 minutes. Allez, on passe à notre deuxième sport, c'est la NBA. De retour sur Sports & Chill, alors c'était le petit jingle NBA. On va commencer cette fois-ci non pas par donc la parole aux Chillers, mais par le quiz cette fois-ci. Et première question, tout simplement, rapidité, non, tour de table. Question très sympa et très générale. Combien de matchs dans une phase régulière? 82. Heureusement que c'était tour de table, personne n'a le point. Ouais. Saison 2018. C'est très facile en tour de table. Saison 2018. Rapidité. Pourquoi vous avez répondu, monsieur? Tony Parker rejoint, lui, un club très fermé de basketteurs avec Gary Payton, John Stockton et LeBron James. Quel est ce club? Quel est ce record? Nombre de victoires. On peut proposer plusieurs réponses. Tout ce que tu veux. Nombre de victoires. Enfin, la victoire finale, quoi. Le nombre de passes décisives. Nombre de points marqués. Nombre de matchs joués. Non. Nombre de matchs en play-off joués. Nombre de matchs enchaînés. C'est sur des points. La moyenne de points. Non. Le nombre de matchs à plus de 10 points. Non. Nombre de matchs à plus de 20 points. Non. Le nombre de matchs à plus de 10 passes. C'est sur un nombre de paniers, exactement. Enfin, de paniers. Le nombre de record de paniers dans un seul match. Non. Le nombre de 3 points réussis. Il a rejoint un club très fermé de personnes qui ont dépassé un certain palier de tirs à 3 points. Il en a fait 20 dans un match. Il a fini, je peux pas vous aider plus. Il a fini le meilleur shooter à 3 points de la saison. Il a dépassé les 1000 paniers à 3 points. Oui, c'est non. Il a dépassé les 500 points à 3 points. Les 500 paniers à 3 points. Points point pour Yacine. Ah ouais. Je peux dire merci à Guillaume cette fois-ci. Je te remercie beaucoup. Je te renvoie la santé. Il a dépassé les 500e panier à 3 points. Donc il n'y a que Gary Payton, Jock Stockton et LeBron James. Et donc Tony Parker. C'est propre comme ça, toi. Qui l'ont. Plus de 500 paniers à 3 points. Surtout qu'à la base, il n'était pas très connu pour ses 3 points. Non, ouais. Quoi? Non, mais non, carrière. Tout dans sa carrière. Plus de 500 paniers à 3 points. Messieurs. Ouais. C'est énorme. Pas énorme. Tu me mets en doute, Guillaume? Non, mais moi, dis-toi qu'en un match, c'est rare d'en avoir plus de 6 pour un joueur. C'est énorme, quand oui. même. Oui, allez. C'est pas, 6 paniers à 3 points, c'est bien pour un joueur dans un match. Saison 2018, toujours. Mais c'est pas un tir à 3 points. Messieurs. Saison 2018, toujours. Rapidité. Je sais pas si vous l'aurez. On parle souvent des hommes de la NBA, mais il y a également la NBA Women. Oula. Quel club est-on du titre? Boston. Utah Jazz. Non. Non, c'est pas les mêmes noms. C'est pas les mêmes noms. Oh, une ville. Philadelphie. Non. Los Angeles. Non. San Francisco. Non. Chicago. Seattle. Oui, point. Seattle. Storm qui a gagné 3 matchs à 0 contre les Washington Mystics. J'allais dire Béziers, je vous laissez vous exciter. Hein. Bien sûr. Ah, les points valent cher, hein, je vous le dis. Non, je savais que c'était une ville où il n'y avait pas de franchise NBA masculine, justement. Allez. Celle-là. Ouais. On va faire rapidité aussi. Quels sont les 5 plus gros contrats cette année en termes de prix des agents libres de transfert, quoi? Est-ce qu'il y a des éliminations? C'est-à-dire que les personnes ont fini leur contrat, ouais. Ils ont été achetés, un transfert tout simplement, ah oui. les plus chers de cette année. Qui c'est un cher aussi, LeBron James, c'est un agent libre. Durant. Avec 153, pardon, j'ai pas entendu les autres. Durant. Non. Jimmy Butler. Ouais. Non. 53 millions. James Harden. Non. Nowitzki. Noah. Non, il n'est pas bougé, James Harden. Noah. Nowitzki non plus. Clay Thompson. Qui ont bougé du coup. Kyrie Irving. Non. Clay Thompson, non. Non plus. Pas bougé. On en a combien déjà? On a LeBron James. LeBron James. C'est tout. On a juste LeBron James. Il y a en fait. DeMar DeRozan. Non. Il y a deux joueurs, l'un est le prénom que a le même prénom que l'autre, c'est son nom. C'est deux joueurs très connus. Paul, Chris Paul. Chris Paul et Chris Paul qui a et Paul George en effet. Ok ici. Qui c'est qui avait dit LeBron James au juste? Ok. Et il en reste deux. Un qui vient des Nuggets. Nikola Jokic. Oui, 147 millions de dollars. Et le dernier, vous l'avez pas, ce sont 18 millions. Anthony Davis. Personne ne l'a, c'est Zach LaVine. Zach LaVine, ah, ouais. Voilà. Alors, c'est un draft. Allez, qui prend le point, Romain, Alex et Yacine, c'est ça? Yeah. Faut tomber. Et moi? Oui, je t'ai mis, c'est bon. Ah. Et d'ailleurs, combien coûtait Tony Parker? Tour de table. 53 millions. 53. 60. 60. 30. Qui est parti, Charlotte Hornets. 30. 30. Guillaume. 29. 29. 24. 24. T'as dit combien déjà, Alex? Je me suis pas prononcé, les gars. Oui, je sais, non, mais c'était pour. 44. Point pour Romain, je crois qu'il est le plus bas avec 10 millions seulement. Oh, qui a coûté le petit Tony Parker. Il prend que 5 millions par an. En fond de bas, hein, on prend. Hein. Tour de table, saison 2019 de NBA. Ah. Actuellement, LeBron James détient le record du nombre de matchs consécutifs avec au moins 10 points dans chaque match dans lequel il a joué. À combien est-il de matchs? De matchs joués? De matchs joués avec 10 points, les gars, faites un effort s'il vous plaît. De nombre de matchs consécutifs à au moins 10 points quand il a joué. Ouais. Tour de table, du coup. Tour de table, et tu commences d'ailleurs, Romain. Pour la peine. C'est à cheval sur une. Sur les, est-ce que c'est à cheval sur toutes les années? Matchs consécutifs. Comprenant les playoffs, du coup. Ouais. Tout. On reprend les consécutifs. Hein. Consécutifs. Ouais, messieurs. Qui commence? Moi, je joue. Romain qui commence. Pff, au hasard. Je vous donne un indice, c'est impressionnant. Ouais, quand c'est impressionnant, c'est impressionnant. Moi, je partais sur un nombre énorme. Bon, on va partir sur un chiffre énorme. Je pense que je vais le réévaluer même. Allez, Romain, s'il te plaît. Sinon, 5 secondes. 78. 78. Un indice impressionnant. Bah, c'est beaucoup. Je vais renchérir. À 10 points, consécutif. Ouais. C'est rien. Ouais, c'est pas beaucoup, 10 points. 85. 85. 128. 128. On voit. 127. 127. Le chien, il se calque. 150. 151. Point pour Guillaume, quand je vous dis que c'est impressionnant, ouais. C'est impressionnant. Bah, j'aurais dit 800. 867 voilà. Matchs depuis le 5 janvier 2007. Il a au moins marqué 10 points. Les gars, 10 okay, points. Ouais, 10 points, c'est rien. Point pour Guillaume. Ouais, 800 matchs, c'est quand même assez. Moi, bah, j'aurais dit 825. Oh, mais ça, c'est non, monsieur. 10 saisons d'affilée. Non, mais je pensais qu'il y aurait au moins un impair. Ouais, ouais. À un moment donné. Non, parce que t'es fait exprès d'être loin en fait. Saison 2019 NBA, rapidité. Quels ont été les deux records battus cette nuit du 29 octobre 2018? Le nombre de ouais. J'ai pas entendu. Le nombre de triples doubles consécutifs réussis. Non. Le nombre de tirs à 3 points par Klay Thompson. T'avais dit quoi, Yacine? Dans le même match. Ouais. Non, moi j'avais dit le triple double. Le nombre, c'est quoi d'ailleurs, Romain? De paniers à 3 points par Klay Thompson. 14. 14. Marqué en un match, oui. Il y en a un autre, du coup il y en a deux. Par le même, la même personne. 52 points de Klay Thompson. Ah oui, non. Nombre de shoot à 3 points. Le nombre de points inscrits dans un carton. En une mi-temps. Nombre de shoot à 3 points? Hein? Nombre de 3 points? Ah oui, c'est ce qu'il a dit, mais. Eh ben il a marqué 42 points. L'autre truc, c'est 24. Le plus grand nombre de points dans un quart-temps. Non, bon, vous l'aurez pas, c'est. Non, c'est le plus grand nombre de 3 points tentés en un match. Ah, d'accord. Okay. Par le même joueur? Ouais. Par le même joueur, le même match. Putain, donc, 24, c'est Klay Thompson. Point pour Romain. Il l'a envoyé, quoi. Ouais. Allez, c'était contre les Chicago Bulls. Voilà. De Zach LaVine. Rapidité. NBA All-Star. Les NBA All-Star qui se sont déroulés au Staples Center de Los Angeles ont vu se dérouler 6 événements, dont évidemment le match entre les conférences. C'est ce qui s'appelait donc le Team LeBron contre le Team Stephen, avec victoire de la conf Est. Quels sont les 5 autres événements d'un week-end de NBA All-Star? Concours de dunk. C'est qui a dit en premier? Ah oui, mais Guillaume, et concours de 3 points, c'est. J'ai dit rapidité. Concours de meneurs. Concours quoi? Des meneurs. Non. Match des rookies. Match des stars. Match des stars. Genre c'est les stars. Ouais, ça c'est celui dont on parlait, quoi. Non, les stars, c'est genre Jay-Z qui joue contre Justin Bieber. Ah oui, oui c'est ça, c'est des célébrités. Bien sûr, oui. Il y avait Match des rookies. Usain Bolt qui avait joué. Y a pas une rencontre entre rookie ou rookie et sophomore? Ah, le shoot du milieu. Non, le shoot du milieu, c'est mieux. La Kiss Cam. Concours de dunk, concours à 3 points, Celebrity Game. Mais il n'y a pas le concours des meneurs? Concours de vitesse, du coup. C'est pas concours des meneurs, non. Concours des lay-ups. Y a pas les. Tu ne comptes pas le match, du coup. Les étrangers contre les américains. Le match All-Star. Bah, le match All-Star, non, je compte pas. D'accord. le dernier truc. C'est... Du coup, il n'y a pas de match des rookies, on est d'accord. T'avais dit quoi, Alex? Le match des étrangers contre les Américains? Oui. L'Europe contre le reste du monde. C'est ce qu'il vient de dire. Ouais, les gars, écoutez-vous, s'il vous plaît. Donc, c'est ça? Point pour Alex, ouais. Ouais. Allez, je donne les deux derniers. Le Rising Stars Challenge, donc pour les jeunes. Mais c'est ce que j'ai dit. Ah, j'ai pas entendu. Il a dit, ouais, 14 points. Messieurs, on est 6 autour de la table. Oui, non, mais c'est peu... parce que je t'ai demandé confirmation. Ouais, c'est pour le ça. Point. Les gars, je suis en train de noter et tout. Attention. Ah, et le Skill Challenge. Ah, Skill Challenge, ah, oui, ouais. C'est vrai. Allez, Je sais même pas comment ça fonctionne. Qui est fait par les meneurs. Question qui suis-je ? On va accélérer, les gars. Question qui suis-je ? Né. Rapidité, hein. Né le 28 juillet. 1977, j'ai marqué mon club et la NBA. J'ai commencé dans ma ville en 1996, avant de faire un tour en Europe, avant d'arriver en 2002 dans mon club. Manu Ginobili. Point pour Yacine. J'avais voulu le dire. Bon, je vais pas continuer parce qu'on manque de temps. Manu Ginobili qui a pris sa retraite cette année. C'est pour ça que j'en parle. Qui l'autre basketteur qui a pris sa retraite aux États-Unis? Enfin, Tim Duncan. Aux États-Unis, ouais. Seulement en NBA, et qui a gagné aussi un titre avec les Spurs? Et qui team est français. Boris Diaw. Boris Diaw, qui c'est? Qui c'est qui a dit? Non, c'est Guillaume qui a dit. C'est Guillaume légèrement plutôt. Ouais. Merci pour votre fair play. Le Palois, il joue à quoi? Non. Allez, voilà pour la fin de ce quiz NBA. On passe à notre top flop match révélation. Qui va commencer par notre top, Romain. Quel est ton top de NBA cette année? Mon top, je pense, ça va être sans surprise. J'ai préféré choisir un joueur au vu de l'année qu'il a réalisé. Et donc, je souhaitais parler de James Harden, qui a été le MVP de la saison dernière. Mm-hmm. Qui est le joueur qui surnage encore cette saison 2018-2019 dans son équipe, beaucoup plus à la peine. Et qui a permis à la franchise des Houston Rockets d'être les principaux challengers l'année dernière des Golden State Warriors. Il a eu des stats assez incroyables, même en playoff, sachant que Golden State Tate a battu Houston en finale de la conférence Ouest. Mais justement, on parlait de points. James Harden, c'est entre 20 et 41 points par match lors de l'ensemble des matchs de playoff final contre Golden State. Ah, ça score, donc hein. Ça score bien comme il faut. Et puis ses stats tout au long de la saison qui lui ont permis de devenir MVP, c'est 30,4 points de moyenne, donc c'est extrêmement élevé, mais c'était aussi 5,4 rebonds et 8,8 passes, donc ce qui montre le joueur et ses qualités, une forte polyvalence dans son jeu, une capacité à faire jouer les autres malgré des stats de points très élevés. Voilà, c'était le meneur de cette équipe par excellence. Il a été assez impressionnant aussi à 3 points. Et je pense que ça va faire le pont d'ailleurs avec, pour moi, ce qui était le match de l'année. Oui, qui était, tu peux le faire. Qui était ça a été compliqué à choisir, hein, justement, on l'a dit, il y a 82 matchs dans une saison. J'ai pas choisi un match de playoff de manière assez surprenante, mais justement la rencontre entre Golden State et Houston en phase régulière qui avait lieu, si mes souvenirs sont bons, le 20 janvier 2018 à Houston, où Houston était parvenu à battre Golden State sur le score de 116-108, et où James Harden avait fait une grande performance accompagné de Chris Paul à plus de 30 points, et qui avait été vraiment un match je dirais tournant, en tout cas pour la saison de Houston en phase régulière, et qui a permis à Houston à la fin de cette saison régulière de finir en tête devant Golden State, ce qui n'était pas une mince affaire et qui était une belle performance. Ensuite on pourra en discuter, mais pour moi la révélation de l'année aussi me paraissait être une évidence. J'ai noté Ben Simmons avec Philadelphie, qui a été longtemps en ballottage la saison dernière avec Donovan Mitchell de Utah, mais nettement plus en difficulté cette saison. Alors à compter sur toute l'année 2018, Ben Simmons me paraissait assez logique. Ben Simmons, c'est 12 triple-doubles la saison dernière. C'est un titulaire en puissance des Sixers à seulement 22 ans, lui qui était rookie, qui a été drafté comme premier de la draft en 2016. Ça a été le relais parfait de Joel Embiid la saison dernière, et maintenant trio majeur composé aussi de Jimmy Butler. Et c'était 15,8 points de moyenne pour 9 rebonds et 7,9 passes, donc pour un rookie, il a un énorme volume de jeu. C'est totalement exceptionnel. Et il a eu un début de saison à un moment un petit peu compliqué, enfin pas au niveau de ses performances, mais maintenant voilà, il est vraiment monté en puissance, ouais, et de nouveau à ce même niveau de perf. Et puis concernant le flop, j'ai eu aussi de petites difficultés, mais j'ai choisi les Toronto Raptors un petit peu contre toute attente. Par rapport justement aux playoffs, j'ai pas parlé de playoffs jusque là. La différence avec la saison régulière. Voilà, différence qui se répète entre la phase régulière et les playoffs. Et cette défaite en demi-finale de conférence, donc pas en finale, contre Cleveland. Cleveland qui avait fait une saison en dedans, Guillaume, Dimitri nous l'ont, et Thibaut nous l'ont assez dit la saison dernière, mais qui serait au rendez-vous en playoffs. Ça s'est passé, et puis ce qui fait surtout mal pour moi à Toronto et qui fait que c'est le flop de la saison dernière malgré leur grande phase régulière, c'est qu'ils se font sweeper comme on dit en NBA, c'est-à-dire c'est 4-0, et la dernière défaite très lourde 128-93 pour pourtant une génération dorée du côté de Toronto, composée notamment du duo DeMar DeRozan et Kyle Lowry. Alors voilà, moi ce que j'espère justement pour Toronto, les Toronto Raptors et cette franchise canadienne, c'est qu'ils passent du flop au top cette année. Et vu le match qu'ils nous ont donné, notamment contre les Golden State Warriors en phase régulière, qui pour moi est un peu du même acabit de celui Houston-Golden State dont je parlais sur la saison passée, c'est de bons espoirs pour la suite pour eux. Et je pense qu'ils ont vraiment haussé leur niveau pour tenir la distance en playoff, d'autant plus que ils ont gagné un joueur Leonard. Dont j'ai pas parlé a disparu de la conférence Est, c'est Monsieur LeBron James. Très bien Romain pour ce point NBA. On va passer à la première pause musicale. Tim, je te laisse l'introduire. J'ai choisi Alexandre Yamaha, qui est l'un des plus beaux morceaux de cette année pour moi. Oui. Allez. Je te connais. Thank you. De retour sur Sport & Shield, c'était Alexandre Dire avec le titre Yamaha. On passe tout de suite au jingle rugby. Bertrand, qui a pris, qui a passé les bras pour Frédéric Michalak. Il y a du monde à l'extérieur avec Emmons, ouais, qui va retrouver Josion. Ouais. Josion, terre promise. Josion dans l'embut. Et c'est français. Allez, c'était le jingle rugby avec notre regretté Thierry Lundi. Il y a 11 points à prendre pour ce rugby. J'arrive. Donc, team est chaud. Allez, question 6 nations. 6 nations, évidemment, 2018. Hein. Tour de table. L'Italie a fini encore une fois dernier des 6 nations en 2018 et aussi cuillère de bois. Depuis son admission en 2000, combien de fois l'Italie a fini dernier des 6 nations? Donc sur 18 éditions. Tour de table. 13 fois. Tour de table. 13 fois. 13 fois. 13 fois. 13 fois. La même. La même. Non. 14. Diam. Et encore. 13. 13. Moi je dirais 14. Qui c'est qui a dit 13? Non. Messieurs. Donc point pour vous. C'était 11 seulement. Sur 18, 18. Bah alors Yassine. Le pire c'est que c'est moi qui l'avais dit. Alors il y a Tim, il y a Guillonce, comme je l'appelle, Alex et Yassine. Mais j'aurais terminé que 11 fois dernier. 11 fois dernier, ouais. Ouais, bon, sur 18 points, 18 éditions, c'est quand même pas mal. On a dû finir quelques fois, la France une fois, le Pays de Galles une fois. Voilà. L'Écosse deux fois, je crois. Oui. Si l'Italie a fini, question 6 nations, rapidité. Si, non, tour de. Rapidité, de toute façon, ça va aller rapide sur ça. Ah. Si l'Italie a fini dernier chez les hommes, qui a terminé dernier chez les femmes? Italie. Non. L'Écosse? Non. Pays de Galles. Qui c'est qui l'a dit en premier? Guillaume et Alex, j'ai entendu, les deux en même temps. Je pensais qu'il y avait un piège. Guillaume et Alex. Ça aurait pu. Oui. Qui a dit, pendant les 6 nations, rapidité, Jonathan Sexton est un petit coquin parce que sur l'action, il était au sol. Je crois qu'il avait des crampes et on se dit cool. L'Arto, Fabien Galtier. Puis il se relève. Yannick Bru. Et il le tape. Il tape Ibanez. Le droit. On était tous surpris, mais bon, c'est un champion. Je pense pas que ça soit lui un tricheur. Julien Bonner. Je pense qu'il avait vraiment des crampes, mais qu'il allait pas laisser tomber son équipe. Draogo. Comme ça, à la 80e minute. D'un coup, ça allait mieux pour lui, puis il a mis son drop. Bastaro. C'est un Montpellier. Yacouba Camara. Oui, point. Ah, Yacouba Camara. Galtier, il a fait que répéter qu'il avait des crampes dans toute l'action. C'est vrai. Oui, mais c'est pas lui qui a dit. Rapidité. Rapidité. Quel club pour la saison 2017-2018 de top 14, parce que excusez-moi j'ai oublié de dire top 14, a fini avec le plus d'essais? Clermont. La Rochelle. Toulon. T'as dit quoi Tim? Stade français. La Rochelle. Toulon. La Rochelle. Stade Toulousain. Le Racing. Toulon. Clermont. L'UBB. Oyonnax. Toulouse. Le Loup. Bordeaux Bègles. Montpellier. Mais je l'ai dit. Il a dit, je crois. Il a dit. Deux fois. Mais bon, on n'entend pas, c'est vrai. Que... Mais les gars, vous êtes six à parler. Non, mais c'est pour ça, c'est... Excusez-moi quand même. Excusez-moi. Quel beau jeu à Montpellier. Bah ouais, mais ça marque des essais. Premier d'essai d'ailleurs. Tour de table. Combien d'essais pour cette. Pour Montpellier? Pas mal, je pense. Bah hein. Tiens, toi. C'est énorme sur une année. 61. J'aurais dit plus, moi. Plus. Ouais. Trop tard, Romain. Mm-hmm. Moi, je dirais. Il y a que 28 matchs. 57. 28. Yacine. 65. 75. 75 aussi. 80. Ah oui, mais oui, non, mais beaucoup. 81. Plus. Point. C'était 98 et c'est. Oui. Ouais. La Dolor, lui tout seul, il en met 19. Oui. Yes, c'est vrai. Alors, on va faire. Rapidité. Eli Bob. Sur le top 14. Point pour Guillaume, déjà. bien le mettre. Et Guillaume n'a plus son Elibop. Chaque année, il y a des distinctions dans le rugby, avec la nuit du rugby par exemple, mais aussi les Oscars du Midi Libre, Midi Olympique, pardon. Étant donné que ce dernier est le plus vieux, un point pour celui qui trouvera. Attendez avant que j'ai fini. Enfin, attendez que je finisse déjà. Qui trouvera l'Oscar du meilleur joueur français, de la meilleure joueuse et de l'Oscar monde. Tout joueur qui n'est pas français. Vous y allez. Jonathan Sexton pour l'Oscar monde. Oui. Non, non. Connor Murray. Connor Murray. Un point je pour suis Romain. J'ai sûr. Jesse Trémoulière aussi. Point pour Romain. Antoine Dupont. Joueur français maintenant. Ronda Pilleta. Mathieu Babillot. Mathieu Babillot, point. On a décidément. Allez, je vais mettre que. Ouais, voilà. Alors, rapidité. Que suis-je? Que suis-je? Créé en 1969, je suis jusqu'en 2007 cantonné à un peu de pays européens et notamment en 2006 en France. La Nouvelle-Zélande est fortement liée à mon histoire, un peu comme dans l'ensemble du rugby d'ailleurs. Même si cette année, ce sont les Français qui le sont liés à mon histoire. Le talent d'or? Avec une victoire 33 à 25 contre l'Angleterre. C'est la première fois que les petits bleus s'imposent. Le Ladies' Cup? Coup du monde est junior, moins de 20 ans. Je l'ai dit en premier. La Coupe du monde est moins de 20 ans, je l'ai dit en premier. Pas pour les deux. C'est à Béziers, la finale. Je l'ai dit avant. Il l'a dit avant. En plus. Il l'a dit avant? Béziers. C'était bien formulé. Je te félicite. On a gagné. Ah, le gars, là. Ne prends pas le point. On a gagné, ça gratte des points. Va y avoir un Elibop. Question. Elibop, Elibop. On a gagné. Question Coupe d'Europe de rugby. Elibop. Elibop, point. Alors, point pour Tim qui a posé son Elibop. Sur les arrières. Quel escroc. Alors, est-ce que c'est rapidité ou pas? Tour de table. Le Stade Toulousain a créé l'exploit cette année en s'imposant 28 à 27 contre le Leinster en Coupe d'Europe. Depuis combien de matchs le Leinster n'avait-il pas perdu? En Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, évidemment. On va enlever celle-là. Je veux bien commencer. Yacine. Combien de matchs? 38. 38 matchs de Coupe d'Europe. Team. 28. 28. À domicile. Peut-être donner ton Elibop, toi. À l'extérieur et à domicile. 58. 19. 18. Moi, je dirais. Bah, d'ailleurs, Team, t'avais pas le droit de jouer au final. Oui. Ouais, merci ton indicatif. Ouais. Merci ton indication. Ça me fait plaisir. Moi, je dirais 12. C'est Romain le plus près, vous avez vu très haut, très peu. 10 matchs et seulement. C'est ça qui fait plus de 2 ans déjà, donc. C'est 28 matchs, c'est énorme. On s'est cru au Munster. C'est clair, c'est clair. Donc, ils ont perdu l'année dernière en étant champion. Ça fait 20 matchs qu'ils n'ont pas perdu à domicile par contre. Oui. Mais 10 matchs à l'extérieur et domicile. Ça va s'arrêter à 20 matchs. Ah oui, il y a 2 ans, c'est Toulon qui gagne. Allez, au stade. Allez, on parle. Tour de table. On parle souvent du. En top 14. On parle souvent que le MHR a beaucoup d'argent, à juste titre ou non. Pour cette année de top 14, le MHR est 6ème budget avec 27 millions d'euros, soit 3 millions de plus que le petit Bousset Castres. Qui est le premier budget de top 14 cette année? Le Stade Toulousain. D'accord. Racing. Vous avez qu'une réponse. Est-ce que vous êtes sûr? Racing? Stade Toulousain. Stade Toulousain. Bon, Clermont. Clermont. Racing aussi, je dirais. Racing. Non, j'aurais dit Clermont. Clermont. Stade France. C'est à 36 points, Yacine. Bravo. Bravo. Ça investit pour Yacine. Sévère, ouais. Je comprends rien. Ceux qui ont le plus de budget. Ah oui, non, si, mais je savais pas que le Stade français avait autant de fous, quoi. C'est un Suisse. Ouais, c'est pas grave. Capricieux, les gars. Ouais, voilà, c'est ça. C'est... Allez, tour de table. Test match. La France s'est inclinée il y a quelques semaines contre les Fidji dans toute l'histoire du 15 de France. Attention, écoutez bien. Dans toute l'histoire du 15 de France, si on enlève. Les Four et Six Nations. Donc les Four Nations, les 4 nations du Sud et les Six Nations du Nord. Combien de fois le 15 de France a-t-elle perdu? En test? En test, en tout. En tout. Test match plus Coupe du Monde. Donc c'est-à-dire qu'on enlève tous les grosses nations. Combien de fois dans l'histoire la France a perdu? Donc combien de fois l'histoire dans la France a... Combien de fois dans l'histoire la France a-t-elle perdu par exemple? Je vous donne des pays, hein, qui... Contre la Roumanie, le Canada, la Géorgie, les Samoa, les Tonga, les USA... C'est dur dans toute l'histoire. Les... Uruguay, hein. Le Japon. Combien? Le Venezuela. La défaite des Fidji. En comptant la défaite des Fidji. Ah, ok. Ah. On est déjà à 1. Plus que... Allez, Romain, tu peux commencer, s'il te plaît. Combien de défaites 18. Dans 18 défaites dans toute l'histoire contre les nations entre guillemets mineures. Yacine. 14 peut-être. 14. J'étais vers là. J'en vois 7. 7. 10. 10. Ouais, 7. 7. 4. Bravo Yacine, 14 pile. Oh une contre le Canada, 8 contre la Roumanie, 2 contre les États-Unis, 2 contre les Tonga et 1 contre les Fidji. Alors, point pour Yacine. Ah bon ? Compliqué, monsieur. Rapidité. Qui a dit en test match ? C'est pas normal. Girado. Il y a des choses qui ne m'ont pas plu. Éliminé. Bah, c'est. Non, éliminé. C'est... Ah mince. Oh, merde, tu l'as... Moi c'était une blague. On s'est pris pour le... On s'est pris pour qui les gars? Bastaro. Désolé, c'était une blague. Ça s'est joué à une seconde. Bon, ça allait vite. Point pour Alex. Yacine est dégoûté, mais tu peux te refaire sur cette dernière. C'est un qui suis-je. Attention, vous n'avez qu'une seule réponse. Si vous ne l'avez pas, vous êtes éliminé. Né le 11 juillet 1985. Je suis un joueur de rugby, logique, qui a une belle carrière. Mon surnom est le même que le prénom d'une légende du rugby. Je commence ma carrière en 2006 dans l'un des plus grands clubs d'Europe. Je profite de la blessure d'un Argentin. Allez, je vous le donne, Conte Pomi. Jonathan Sexton ? J'ai hésité. Point, Jonathan Sexton. J'ai hésité à dire Peak Time. Moi, j'ai dit Johnny, est-ce que je vais sur Johnny ? Bien joué. Bref, voilà. Jonathan Sexton qui a été élu meilleur joueur de l'année 2018 de rugby. Johnny Wilkinson. Point pour Romain. Johnny Sexton. C'est à... On va écouter Guillaume parce que c'est la fin du quiz. C'est la fin du quiz et tu as aussi ton petit bilan de l'année. Quel est ton top de l'année, mon cher Guillaume? Alors, est-ce que c'est la Géorgie? Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Non, alors mon top de l'année, c'est. J'ai plusieurs tops en fait. J'aimerais bien mentionner plusieurs équipes qui ont marqué le rugby cette année. D'abord, je vais commencer par mon top étranger. Donc j'ai envie de faire un big up à l'Afrique du Sud qui après deux années vraiment très très moroses où on les pensait au bord du gouffre, très bien relancé par les Français en 2017. On est toujours là. Ils ont effectué une très très belle année avec comme point de comme apogée cette double confrontation face au All Black où je reviendrai plus tard et donc cette victoire face au All Black pendant les Four Nations. Donc un jeu très alléchant. Ça part des U20 en 2016-2017. Les U20 jouaient très bien. Et là, cette année, en 2018, c'est les seniors qui jouent très bien. Donc ça, c'est mon premier top. Ensuite, j'aimerais bien faire un top à nos équipes de France pas seniors. Donc les U20 qui ont été champions du monde U20 pour la deuxième fois, je pense. On a été une fois en France en 2000 quelques, avec Lionel Boxis. Lionel. Donc oui, les U20 qui ont été champions du monde cette année en battant les All Blacks et en battant les Anglais en finale. Ça faisait plaisir, surtout qu'on avait perdu pendant les Six Nations. Donc les U20 qui sont champions du monde avec un jeu très alléchant, des joueurs qui sont aujourd'hui déjà affirmés en top 14 comme Ntama qui est bientôt Jordan Joseph, Louis Carbonel, etc. Arthur Coville qui s'est malheureusement blessé mais qui va bientôt revenir. Vanté. Voilà, donc vraiment une très belle performance de nos U20 qui sont un peu la lumière de notre rugby. Et aussi, il faut aussi féliciter l'équipe de France de rugby à 15 féminine qui a battu les All Blacks récemment, qui a eu 4 des 5 meilleures joueuses nommées et dont la meilleure joueuse Jessie Trémoulière. Et il y a aussi un bon travail au rugby à 7 qui est fait en équipe de France féminine puisque cet été elles ont décroché le titre de vice-champion du monde de rugby à 7 en perdant face aux All Blacks, mais une très très belle performance. Donc le rugby féminin se porte très bien, donc mes top rugby féminin français, les jeunes français et les Sudaf. Très bien, en flop cette fois-ci. En flop, ça va être très facile, ça va être nos équipes de rugby masculine de France, donc je vais mettre dans le même paquet l'équipe de rugby à 7 et l'équipe de rugby à 15. Donc l'équipe de rugby à 7 qui a terminé 11 ou 12e du classement World Rugby, donc voilà, derrière des équipes comme les États-Unis, les Samoa, les Kenya. C'est pour la grimace. Jeu très alléchant en attaque, mais aucun mental en défense. Donc dans la FFL. Des Teddy Thomas en défense partout. C'était vraiment. C'est dommage parce qu'il y a une attaque très alléchante. Et bien sûr, notre flop maximal, c'était le 15 de France, qui voilà, désespérant. Flop suprême. Au plus haut point, flop imbattable, flop pour plusieurs années et un peu la honte de notre rugby actuellement. Et voilà. Point d'orgue le dernier match. Il n'y a rien à débattre dessus, ça a été débattu, vu, discuté, revu. Voilà, je préfère passer. Ta petite révélation de l'année. Alors, ma révélation, j'aimerais bien mettre en lumière le jeune. L'ailier du Stade Toulousain, Chesin Colby. Alors, vraiment, pour moi, c'est le futur meilleur joueur du monde. Alors, oui, il joue pas numéro 10, il joue pas numéro 9, il est pas à une position super stratégique sur le terrain, mais c'est un joueur insaisissable, implacable. Je vous invite juste à regarder ses matchs. C'est pas des stats, c'est vraiment l'impression visuelle qu'il donne. Son premier match face au All Blacks, il fait sa première sélection face au All Blacks cet été et il marque un essai. Donc c'est réglé et il gagne. À toutes ces rentrées, il nous a fait du mal aussi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de cadrages débordements par un joueur. C'est un casseur de reins. C'est le mari aussi qui diffère de... Il fait plaisir à voir et c'est un jeune, c'est un joueur, il fait 1m74 kilos, des cannes de folie, des appuis de folie. Vraiment respect et ça me fait plaisir de le voir tous les week-ends sur les terrains Top 14. Et enfin ton match de l'année. Alors là, qui t'a le plus marqué, peut-être pas en bon ou en mauvais. Séparé en... D'abord j'ai voulu montrer ma confrontation de l'année et mon action de l'année. Ma confrontation de l'année, c'est cette double confrontation entre Sud-Africains et All Blacks. Donc 32, les Sud-Africains qui viennent s'imposer 32-30 pendant le Four Nations, c'est ça? Pendant le Four Nations, les deux. Donc les Sud-Africains qui viennent s'imposer en Nouvelle-Zélande 30-32. Gros match. Non, c'est 34-36, je crois. Oui, bref. Voilà, 34-36. Et le match retour, qui est encore plus fou, où les Sud-Africains gagnent 30-13 à la 60e minute. Et les All Blacks, qui par leur abnégation et leur talent, remontent jusqu'à gagner 32-30 sur la fin. C'est vraiment une double confrontation énorme. Ça s'est passé en deux semaines. Un pur régal. Vraiment du gros rugby. Prenons exemple notre équipe de France. On va finir là-dessus, l'action de l'année aussi, il fallait le dire, c'est cette fameuse action commencée à la 77e minute et 30 secondes par les Irlandais face aux nos pauvres Français. Cette action de 5 minutes et 13 secondes exactement en fin de match qui vient se conclure à la 83e minute. Alors 41 temps de jeu des Irlandais qui étaient derrière les Français, donc il y avait 12-15 et les Irlandais qui ont un renvoi au 22, qui récupèrent leur renvoi au 22 et qui remontent 40 mètres pour à la fin claquer un drop de 50 mètres. À la 83e minute pour assommer les Français. Franchement, c'était magnifique. Genre, je suis français, mais c'était vraiment magnifique. Et c'est claqué par le meilleur joueur du monde, Jonathan Sexton. On appelle un travail parfait, de sap. Parfait. On va finir là-dessus. On va passer à une autre rubrique. C'est les sports Montpellier. Sport and chill. Le sport Montpellier. Et justement, la transition est toute trouvée. On commence par le quiz, évidemment. Et tout trouvé parce qu'on va parler de rugby et de MHR. On va faire un tour de table. Un tour de table et vous avez qu'une... Enfin, si vous avez la mauvaise réponse, vous êtes éliminé. Montpellier a joué sa deuxième finale de son histoire. La première avait été perdue le 4 juin 2011 contre le Stade Toulousain. Quelle était l'équipe type? Plus j'accepte les remplaçants du MHR à ce moment-là. On accepte les remplaçants? J'accepte les remplaçants qui sont rentrés. Allez, team. Ouedraogo, Fulgence Ouedraogo qui était titulaire. Oui, tout à fait. Alex. Picamol. J'attendais la bourde. Allez, la bourde est faite. Il joue au Stade Toulousain en face. Éliminé. Naguza. Ouais, Naguza. Marqueur des cibles. François Trinduc. Martin Bustos Moyano. Julien Thomas. Ouais, je vais dire une connerie, Nadolo. Non, il n'y est pas encore. Désolé Alex, tu as éliminé. Guillaume. Mamouka Gorgodze. Merci Guillaume. Sans moment de solitude. Ouais. Allez, 5 secondes. J'en ai pas. Éliminé. Santiago Fernandez, oui. J'hésite un moment, pardon. François Trinduc. On l'a déjà dit. Éliminé. C'est à moi ? Ah, je suis. C'est à moi. Bah, comme vous voulez, est-ce que vous le remettre ouais, en jeu ou pas ? Ils sont éliminés. Le remettre en jeu ou pas ? Moi, je l'autoriserai. Allez, vas-y, rejoue. Allez, c'est fort sympa. Non. Gorgoté. Par contre, tu as 5 secondes. 4. Ambrosino. Non. Éliminé, c'est à moi. Ouais. Crévy. Martin Crévy. Augustin Crévy. Bah, le talonneur. C'est la saison d'après, non? Non, c'est pas lui. Éliminé. C'est pas lui, ouais. Mais Romain. Si tu as bon, tu prends les Juan Figallo. Ah oui. Juan Figallo, point. Il y avait Roff, Fess, Genti, Anke, Fakate, Matadigo, Sancho, Mirandé, Thierry derrière en 15. Ceux qui sont rentrés, Kodulo, Riz, Payog, Bost, De Marco, Lele Malefaga et Bérard. Point pour Bérard. Pas, quoi. Yes. À l'arrière aussi. Oh la louche, j'en ai gardé plein sur la main. Avec Payog, j'étais pas sûr. Amorosino et Crivi, c'est la saison d'après qu'ils arrivent. Qui a dit, c'est très rapide, MHSC. Je vous rappelle que vous avez toujours enfin, votre pick time. Je vous rappelle toujours, j'avais vous avez votre pick time. Hein. Monsieur Ranieri avec Monsieur Derzakarian. Valdemar Quita. Point. Ce n'est pas le même niveau. Claudio Ranieri a quand même été élu en meilleur entraîneur du monde. Excusez-moi, mais vous comparez une Mercedes et une deux chevaux. Valdemar Quita, président du FC Nantes sur Derzakarian. Finalement, on s'en sort pas plus mal. On est fait. Bah non, on a fini devant eux. Ah, peut-être pas. Tour de table. Question BLMA. Le BLMA a vécu une saison très compliquée en 2017-2018 où les Gazelles ont fini 7e du classement de la saison régulière. En quelle année le BLMA avait fait pire que ça? Enfin, pas pire que ça puisqu'il y a eu le même place. Dans son histoire, le BLMA n'a jamais fait pire que 7e. Tu peux commencer, Alex. Ouais. 2000. Allez, je vous donne une indication. Tu pourras redire ta réponse. La LFB s'est créée en 2005. Ah. D'accord. Allez, 2008. Merci. Guillaume. Là, je suis. Ah, bah, pour tout le monde. Hein. 2007. 2007. 2005. 2005. Bon, pour pas dire comme Guillaume, 2006. 2006. 2009. 2009. 2010. 2010, points pour Tim. Oh. T'en sens le connaisseur du basket féminin. Bien sûr. Je pense tous les week-ends. On a encore la finale du top 14 là. Question. Reconcentre-toi, Guillaume. MHSC. Ça va être. Aux enchères. Encore. Comme tout à l'heure. D'accord. Celui qui en a le plus prend. Le deuxième prendra les points si le premier. Question quoi, MHSC? Ah, d'accord, c'est bon, je connais. MHSC, ouais. Alors j'ai deux top 5 devant moi. Écoutez bien. Tim a bien fait de prendre son cahier. Il est malin celui-là. Le top 5 des recrutements les plus chers de Montpellier. Et le top 5 des départs les plus chers. Ça fait que donc 10 joueurs que j'ai devant moi, dont 3 qui sont concernés pour l'année 2018. Je veux les 10, du coup. Depuis combien de temps de, juste sur la saison? Toute l'histoire du MHSC. Donc les 5. Les 10 en même temps? Les 5. Plus chers et les 5 moins chers. Qui ont été recrutés le plus cher et les 5 qui ont été vendus le plus cher. Attends. Donc c'est dans toute l'histoire du MHSC. Je vous donne une indication, c'est dans les années 2000, hein, pas avant. Hein. D'ailleurs, c'est dans les années 2010 que tout le monde se situe. Et donc, je vous ai dit, trois, pour vous donner une autre indication, sont concernés par cette année 2018. Soit par un départ, soit par un recrutement. Est-ce que quelqu'un a une première suggestion? Personne? Ouais, mais il faut les avoir. Ouais, il faut les avoir. Alors, je peux rien vous dire de plus. Attends, je tente un truc. Combien tu en veux sur 10? Ah, pardon, alors attends. Ok, d'accord. J'en ai 7 pour l'instant. J'en ai que 4. 7, qui dit mieux? Je suis qu'à 4 pour moi. Je vais laisser 20 secondes pour dire mieux. Ah, je suis à 5. Ouais. Si vous avez d'ailleurs, on est en live depuis le début de l'émission. Si vous avez d'ailleurs la réponse, n'hésitez pas sur le live Facebook. 6. On est devant, on peut regarder vos réponses. Également. Qui dit mieux que 7? 8. 8, Guillaume. Allez, il en foire. C'est-à-dire que Guillaume, si il foire, c'est Tim 9. Qui prend le point. 9, Yacine. C'est-à-dire que. Je tente un pareil, oui. Qui dit mieux? 10. 10, Guillaume. Guillaume commence. Guillaume, tu peux y aller. Alors, en départ, je commence par les départs. Vite, en fait. Comme tu veux. Nordi Mukiele. Nordi Mukiele, premier avec 16 millions. Qui parle Leipzig. Olivier Giroud. Olivier Giroud, troisième avec 12 millions, qui part à Arsenal. Younes Belhanda. Ah non. Non, je te laisse continuer. Ah là là, du coup... du coup, ça va être moins cher après. Rémi Cabella. Rémi Cabella, quatrième avec 10 millions. Benjamin Stambouli. Non. Voilà. Je l'avais aussi. Je sais pas. Et en arrivée, j'avais Daniel Congrès. dans les congrès 5 millions. Steve Mounier. Non. Était parti à 13 millions. Ah, il est parti à 13. Ah ouais, c'est vrai, ouais. L'année dernière même. À Huddersfield. Anthony Mounier, 3,5 millions. Andy Delors. Qui vient de l'OGC Nice. Andy Delors, c'est en prêt payant, donc non. Mais la Borne, non. C'est pas toi qui joue. De toute façon, ce sera point pour Yacine parce que c'est le deuxième. Ah, il faut qu'il les donne aussi. Ouais. Non. Ah bah, ah ouais, oui, ouais, non, c'est comme tout à l'heure. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais, là, ouais. Des fois, il faut jouer au bluff. Là, j'aurais dû rester à 8. Allez, je vous les donne tous. Les 5 plus gros recrutements. Daniel Congrès 5 millions, Anthony Mounier 3,5, Kevin Berrigo 3 millions, Benjamin Lecomte 2,5, Emmanuel Herrera 2,5. Est-ce qu'il y avait Mapou ? Départ, non. Nordi Mukiele 16, Steve Mounier 13, Olivier Giroud 12, Rémi Cabella 10 et Morgan Sanson 9. Ah, Sanson ! Sanson, oui. Mais là, dans ces questions-là, il faudrait faire celui qui en dit le plus comme ça, genre... Comment on fait parce que les autres, ils vont dire ouais, je vais aussi, tu vois. Tu t'appuies sur ce que dit le mec d'avant. Ouais, voilà, tu t'appuies sur ce qu'a dit le mec d'avant. Tour de table, alors. Ouais. On va respecter les règles. Attention, monsieur, après deux émissions, commence à changer les règles. Point pour Yacine. Question MHB, mais multisport. Bad pick time, toujours. Elibop ? Non, je rigole. Attention. Le MHB, alors là ça va être on va te faire plaisir, ça va être le tour de table avec une réponse. Le MHB est double champion d'Europe depuis cette année en comptant les sports collectifs féminins et masculins. Donc, je vous les donne les 5: hand, foot, volley, basket, rugby. Quel club en France est champion d'Europe? Je vous parle de la grande coupe, hein. Lesquels sont champions d'Europe dans ces 5 sports féminins et masculins? La grande coupe d'Europe. Plus grande coupe d'Europe dans ces sports là. Donc en foot, c'est la Ligue des champions féminine, masculin. J'en ai déjà 5. En rugby, c'est la Coupe d'Europe de rugby et la Coupe d'Europe féminine. Alors ça, c'est une vaste blague, mais il y en a une quand même. En volley, c'est la l'Euroleague ou je sais pas quoi. J'ai 5 équipes. Non, ça va être le tour de table cette fois-ci. Et tu veux. On dit un nombre. Messieurs, concentrez-vous s'il vous plaît. Je vous le redis. En comptant les sports collectifs, donc féminins et masculins, il y a 5 sports collectifs. Le hand, Ligue des champions féminines de hand, Ligue des champions masculines de hand, Ligue des champions de foot, masculin et féminin, volley, Euroleague, féminin et masculin, basket, féminin et masculin, volley, rugby, féminin et masculin. Parmi ceux-là, il y a des champions d'Europe, les clubs français qui sont champions d'Europe. Les champions d'Europe, hommes ou femmes, dans les 5 disciplines. Par exemple, le MHB. D'accord, voilà. Ok, je viens comprendre. On va faire un tour de table. D'ailleurs, j'ai pas dit le MHB, vous pouvez le dire si vous voulez. MHB. Tu commences bien dans le micro, s'il te plaît. Du coup, je peux dire le MHB, quoi. Le MHB, deux fois champion d'Europe en masculin. Alex. Real Madrid. Non, mais t'as pas compris. Français. Mais tu ne comprends rien. Français, c'est incroyable, hein, Alex. Vas-y, non, pas éliminé, Yacine. Un club français. Strasbourg. En quoi? Basket. Éliminé. Le Stade Toulousain en... Le Stade Toulousain, rugby masculin, 4 fois. Yacine. L'Olympique Lyonnais chez les femmes en Ligue des Champions. 5 fois. Eh oui, bravo. Et bien sûr. Eh oui. Le rugby club toulonnais. Le rugby club toulonnais, 3 fois. Champion d'Europe. C'est plus simple. Guillaume. Biarritz. Bah non. Biarritz en quoi? En rugby. Rugby de quoi? Peut-être la petite coupe, mais pas la grande en tout cas. Ah oui, non. Éliminé. Putain. Deux finales, je crois. Désolé pour Guillaume. Guillaume. Contre Toulouse. L'OM. L'OM. Ah, le chien, j'allais dire. Jamais les premiers. Oh là là. Team. Je veux dire le PSG handball féminin. Personne ne l'a gagné en hand féminin. Yacine. Oh, quel poulet. Brive. Ah, ça, je l'avais. Brive. Oui, champion d'Europe de rugby. Je tente un truc, alors. Elle entend, non? 96. Ah oui, ouais. Cannes. Ou volet. Cannes. Yes. Volet féminin. Deux yes. fois. Il reste que Yacine, du coup. Et toi, Guillaume. Clermont. Clermont, non. On est que sur la grande coupe d'Europe. Sur la grande coupe d'Europe. Là, je pose une question. Éliminé. Je pose une question, mais qui ne fera pas éliminatoire. Est-ce qu'on a déjà dit Toulon dans les tours de table? Oui, c'est moi. Très bien, merci. Bah, y'en a. Ouais. Je vous donne une indication, rugby masculin, c'est terminé. Il n'y a plus. Si j'en ai un, je peux revenir en jeu s'il y a signé pas. J'en ai encore un, donc. Ça dépend de ta réponse. Oui. C'est les chinés ou pas? Allez, 5 secondes, Yacine. Bourges chez les filles au basket. Oui. Bon, joli, 3 fois. Moi, j'avais tour au volet. Et Romain, il peut pas jouer? Romain n'existe pas. Ah, mais Romain, Romain. T'as dit, il reste que Yacine? Non. Ouais. Yacine, Romain dit... Ah non, bah. Il y avait moi. Et t'as dit, il reste que Yacine? Parce qu'il y a un... En plus de moi comme challenger. Bon, Romain, tu peux le dire. Bah, oui, tour, bah oui, tour en volet. Ouais, la passe début game, quoi. Celle que ouais, mais... Mais il avait marqué. Mais... Il me reste un volet masculin, un basket masculin et deux rugby féminin. Sachant que le rugby féminin, c'est arrivé deux fois seulement une Coupe d'Europe. C'est à moi? Ouais. Bah, il ne reste plus que vous deux. L'ASVEL chez les gars au basket? Non. Non, c'est jamais rugby. Romain, si tu l'as, tu prends le point. Est-ce que je pourrais, s'il a pas, est-ce que je pourrais essayer le rugby féminin? Ouais, mais le poulet est sur son téléphone. Non, je regarde plus de l'ASM. Je sais, j'ai mon nom déjà. Romain, 5 secondes. 4, 3. Je tente un truc du 2. Bah oui. Limoges. Oui. Bah oui. J'hésite. Basket masculin, Limoges. Mais point pour Romain. Toulouse. Il restait. Non. Le MHR féminin. Champion d'Europe. Ah ouais. Et l'USAP féminin, une fois. Il restait Paris volé en volé masculin. Voilà, point pour Romain. Rapidité. On critique à tort ou non l'effectif très changeant du MHR, mais qui sont les 5 joueurs du MHR qui sont là depuis le plus longtemps dans l'effectif actuel? Jean-François Drago, Benoît Payog, Galtier, ouais. Benoît Payog. Payog, ouais. Payog. Il y en a 2 pour Romain, il y en a 1 pour Guillaume. Il en reste 2. Nariashvili. Nariashvili qui s'est cani. Picamol, le retour, non, ça compte pas, il est parti. Ouais. Qui n'a pas bougé. Ouais. On va trouver. Nagusa. Ah ouais, ouais. Ah, les points pour Romain. Quoi? Non, c'est Guillaume, juste avant. Non, mais il y en a eu. Ouais, non, mais oui. T'en as donné 2, t'en as donné 3. Oh non. Donc, point pour Romain. J'ai dit avant. L'arrière-juli. Ah, mais je vais pas donner 3 points à Romain, ça serait trop. tu vois. Je cherchais Nagusa. Sinon, ça fait des questions. Bon, allez, je donne pour Guillaume aussi. Merci. Pour le symbole. Ah. J'ai enfin un coup. T'avais une demi-seconde sur rapidité. Quel club était anciennement surnommé Montpellier-Lecresse entre 1990 et. Quoi? Et 2001. Le club de volley. Puis, avant 1990, il était surnommé le Racing Club Payade. MHSC. Féminin. Le club de... Féminin. Oh, le MHSC féminin qui s'est fait racheter en 2001 par le MHSC. Herbe. Quelle sale soirée. Ah, je sens Herbe. Je t'ai connu mieux, Guillaume, c'est vrai. En même temps, les questions sont plus poussées que... Ah oui, attends, c'est le peak time hein, de l'année. Ah, ouais. Allez, tour de table, là la question est très poussée. Les Vipers. Eddie Bob. Eddie Bob pour Alex. Ah, il s'est empressé de le dire. Sur Sport Montpellier, je respecte. Il ne reste plus que... Alors, les Vipers sont remontés en division 1 de hockey sur glace. Depuis quelle année les Vipers ont quitté cette première division? Yacine, tu commences. C'est un tour de table. Depuis quelle année? Ouais, sinon on dit toutes les années. Aucun indice depuis la création de la ligue. Hein. Non. Très bien. Débrouille-toi. Je vais dire. On voit. Mais si on est très en retard. Allez, 2012. 2012. Ouais, C'est moi derrière? Oui. 2006. Normalement, c'est Tim. Ah, pardon. 2006, tu as dit quand même. Vas-y. Je veux dire 2007, tiens. 2007, c'était pour aller vite. J'espère pas. Ah, tu joues pas, non, du coup. Guillaume. 2011. 2014. 2014, point pour Guillaume. Ça fait seulement que quelques... Il y a eu relégation administrative en division 3, puis remontée en 2015 en D2, puis cette année oui, en D1. Bien sûr. C'est vrai. Voilà, point pour Guillaume. Qui suis-je? Dernier point pour ce sport, Montpellier 1. Une seule réponse, seulement. Né le 26 décembre 1989, je suis une paire promesse de mon sport qui a confirmé cette année, bien que mes premières performances se situèrent vers 2007. Je joue dans un autre pays que la France avant d'arriver en 2011, mais pas à Montpellier encore, mais dans un club de la région parisienne. J'arrive à Montpellier en 2013, où je compte bien démontrer mon potentiel. Ma première sélection avec mon pays est en 2010. Je suis déjà à 84 matchs et 242 buts à mon actif. Diego Simonet, point. Je porte le numéro 4 à Montpellier, je suis MVP de la finale d'un grand événement de mon sport, donc Final Four de Hand. Médaille d'or également au jeu panaméricain, Diego Simonet. Point pour Romain. 89. Guillaume, je t'écoute pour ton bilan des sports montpelliérains de cette année. Et là, quel est ton top? Je vais avoir la parole pour une fois. Oui. Enfin, je vous critique pas, mais je me critique moi-même. Oui. Mon top, c'est bien évidemment le MHB qui est champion d'Europe de handball avec une saison exceptionnelle et qui glane sa deuxième étoile également avec les footeux. Alors, il faut dire qu'en début de saison, on n'imaginait absolument pas le MHB champion d'Europe, voire même à peine champion de France. La saison a été réussie de bout en bout. Alors en plus, il y a parce qu'en fait le handball c'est un Final Four à la fin, et il faut savoir que le jeudi, juste avant le Final Four, ou mercredi, Montpellier a perdu le titre de champion en perdant à Saint-Raphaël, ou c'est à Saint-Raphaël, ouais. Donc ouais. Ils ont réussi à se relever en deux jours pour aller chercher cette coupe, cette compétition, donc c'est un véritable exploit. Le parcours est exceptionnel, en battant en 8e le Barça, qui a gagné 9 fois le trophée, en battant Veszprém en quart et donc Skopje en demi. On a vu des joueurs du centre de formation se révéler avec Melvin Richardson et Ludovic Fabregas, donc qui montrent que le centre de formation est performant. Et enfin, je voulais souligner pour moi l'entraîneur le plus sous-coté du sport collectif français, Patrice Canaillet, qui fait trois lignes dans l'équipe le jour de la victoire. C'est pourtant un palmarès qui a le plus beau palmarès du sport français collectif, peut-être avec l'entraîneur féminin de Cannes, mais c'est pas pareil au volet. Ouais, voilà, Patrice Canaillet, c'est l'homme de la situation. Moi, j'étais pour son départ en 2014 après l'affaire des paris, parce que je sentais qu'il était au bout du rouleau et qu'il fallait un nouveau souffle, et il m'a donné tort, et tant mieux pour le club. En flop cette année. En flop, le MHR qui perd en finale, je vais pas faire que des heureux. Le MHR qui sort juste avant la finale d'une demi-finale gigantesque contre Lyon, où ils ont écrasé Lyon, et en une semaine, badaboum. Et Guillaume, ils ont fait un grand match, sans rigoler. Bah oui, ils font une grosse demi. Face à un adversaire qui est notre bête noire, mais qui a fini 6e en championnat, qui a joué un barrage en plus, donc un match en plus. Peut-être d'ailleurs c'est le creux d'une semaine qui nous fait du mal. Des attentes au vu du recrutement et des moyens mis à disposition qui ne sont pas là. Enfin, les joueurs ne sont pas performants, l'entraîneur... ça viendra, on espère. Depuis l'ère Altrad, et même depuis que Montpellier est en top 14 et commence à être un bon club, c'est une seule et maigre Challenge Cup. Donc il va falloir gagner, se réveiller. Simplement. Voilà. On a gagné le Challenge Vaccin. Révélation de l'année, Guillaume. Ma révélation de l'année, j'en ai parlé dans la page handball, c'est Ludovic Fabregas, qui est l'homme fort du MHB. Alors il fait une excellente saison, et surtout c'est là qu'on voit où il était très très important la saison dernière, c'est que cette année il est plus là, et le MHB a vraiment du mal, et surtout à son poste. Donc c'est là qu'on voit l'importance qu'il avait l'année dernière, et il est pas... C'est une révélation confirmée, oui, déjà. Voilà, c'est une révélation déjà qui est confirmée, mais je voulais le souligner parce que maintenant il manque énormément. Et enfin, le match de l'année dans les sports montpelliérains. Enfin, alors là, j'avais le choix, on en a parlé en antenne, mais j'ai quand même finalement choisi le derby Montpellier-Nîmes. Ah ouais. C'était le retour du derby après 9 ans. Événement. 10 ans même, ouais. À la Mosson, et 9 ans à Nîmes. Alors il y avait des petits chambrages nîmois avec les banderoles dans le stade tout au long du match, qui ont été vite calmés avec le premier but, mais avec le deuxième, avec le troisième. C'était bien, c'était sympa. Surtout sur le plan sportif, un match maîtrisé de A à Z. Les Nîmois n'ont pas vu le jour, un adversaire inexistant. Surtout qu'au vu des démarrages de saison, on pensait que Nîmes allait venir nous taper à la Mosson. Il n'en a été rien du tout, et c'était... En plus, avec les incidents qui ajoutent au folklore, même tant mieux, ils n'ont pas été graves. Si ça avait été grave, j'aurais pas eu ce mot-là, mais ils ont été très minimes. Donc voilà, c'était un match très plaisant. Il faisait jour, il faisait beau. il y avait des papillons, des fleurs. Le stade était plein, voilà, c'était le top. Et les Nîmois ont pris froid. Et voilà. Parfait, maintenant, nous avons froid. Pour cette bonne note des sports montpelliérains, on va passer à une deuxième pause musicale, Tim. Choisis Môme de l'Homme Pâle de son nouvel album. Allez, à tout de suite. Ma bande m'attend encore en bas. Ça tombe mal, je suis à deux doigts de les faire glisser à l'intérieur d'une fille. Môme à 27 ans, c'est comme arrêter le temps. C'est comme mettre en boucle le meilleur du film. On joue quand la nuit tombe, fier jusqu'au SAMU. Rien de plus bête que le danger, mais faut bien qu'on s'amuse. Débile sans diplôme, j'ai quand même gagné des prix. J'suis un mauvais exemple pour ton papa fermé d'esprit. Si pour lui je perds, je gagne, gagne, gagne. On n'a pas les mêmes règles, pourtant c'est le même jeu. Si je perds, je gagne, gagne, gagne. Prends cette putain de vie comme un jeu, j'suis encore un môme. Pas de leader, pas de maître. Pleure pas si je te manque de respect comme un môme. Môme jusqu'à la mort, y'a aucun remède. Cette putain de vie n'est qu'un jeu, j'suis encore un môme. Pas de leader, pas de maître. Pleure pas si je te manque de respect comme un môme. Môme jusqu'à la mort, y'a aucun remède. T'es différent des autres, on en a rien à foutre. Alors tu te sens seul, seul, même dans la foule. Je sais que t'attends que quelque chose tombe du ciel, mais y'a plus de chances que ce soit la foule. La justice n'est qu'un joli mot. T'as gagné de justesse malgré ton haut niveau. Tu peux enchaîner les succès comme Robert De Niro. Ça veut pas dire que tu sortiras gagnant du casino. Pour l'instant je gagne, gagne, gagne. On n'a pas les mêmes règles, pourtant c'est le même jeu. Si je perds, je gagne, gagne, gagne. Prends cette putain de vie comme un jeu, j'suis encore un môme. Pas de leader, pas de maître. Pleure pas si je te manque de respect comme un môme. Môme jusqu'à la mort, y'a aucun remède. Cette putain de vie n'est qu'un jeu, j'suis encore un môme. Pas de leader, pas de maître. Pleure pas si je te manque de respect comme un môme. Môme jusqu'à la mort, y'a aucun remède. J'adore ça pourvu que ce jeu dure encore un peu. Pourvu que ce jeu dure encore un peu. Allez, de retour sur Sport and Chill. C'était L'Homme Pâle avec le titre Mom. On passe tout de suite au jingle Autre Sport. Now Hamilton, 200 Grand Prix, and he wins in Spa on this Sunday afternoon. Started fourth, it's a fifth British Grand Prix win for Hamilton at Silverstone. Dangerous. Oh, he's Stanishman. Conor McGregor's game effort is over. Size and economical. Very, very good. A masterclass of boxing. Et voilà, c'est terminé. Et c'est terminé. Ils sont champions d'Europe. Les joueurs de Montpellier remportent la Ligue des Champions après avoir réussi un exploit absolument incroyable. Allez, on commence tout de suite avec le quiz Autre Sport. Il y a 17 points à prendre, enfin peut-être du coup moins 16 points à prendre sur ce quiz. Donc il y a beaucoup de points encore en jeu, sachant qu'au foot il y en a 20 à prendre. Donc 37 points, coucou. C'est pas fini. Allez, question. Allez, boxe. Qui a dit rapidité. Je veux le punir pour toutes les mauvaises choses que lui et son équipe ont faites. Je veux le réduire à néant. Khabib. Tyson Fury. T'as dit quoi, Game? Khabib. Ce mec est un showman, un clown. Tyson Fury. Ce n'est pas un vrai homme. McGregor. Floyd Mayweather. Deontay Wilder. Paquito. Anthony Joshua. Paquito. Canelo Alvarez. Canelo. Mayweather. Ni presque. Il nous manque. Klitschko. Conor McGregor. Ah, je l'ai dit. En face de en face de Alvarez, c'était. Alvarez. Le match de boxe de l'année. Ah, non, Gennady. Ouais. Mikhailov. Ouais, j'aurais pas. Golovkin. Ah oh, oui, bah c'est oui, dur. Bien sûr. Avant son combat contre Saúl Álvarez, à l'avantage du Mexicain. Le hand, depuis. Alors là, je vous demande un peu de réflexion. Depuis 1992, en comptant les femmes et les hommes, en comptant les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde et l'Euro, en comptant les médailles d'or, d'argent et de bronze, toutes, podium quoi. Combien de titres? Ouais, voilà. Combien de médailles? Alors autant l'or, là c'est malé, mais là. Avec le bronze, ouais. Pour la France. Féminin et masculin. Féminin et masculin. Depuis quelle année? 92. Attends, on va faire un calcul. Hein. Tour de table. Attention, alors les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, l'Euro, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, donc toutes les médailles si vous voulez. Combien on est pour les bleus? Les bleus avec un E aussi, les féminines. Et oui. Qui ont gagné hier. Championne du monde. D'Europe. D'Europe. Qui est considéré comme plus dur qu'un championnat du monde. Et on compte 92. Bah oui. Depuis 92. Est-ce que quelqu'un a le premier chiffre? C'est très concentré ce soir. Hein. 19. 19 pour Guillaume. Ah ouais. Romain. 24. 24 pour Romain. Yacine. C'est terminé, Yacine, tu peux plus te concentrer. Il nous fait un professeur Xavier, là, de X-Men. Yacine, 5 secondes. 25. Dépêche-toi. 25. 25. Ouais. Je vais dire 21. 21. 22. 22. Guillaume. 20. 20. Point pour Yacine. 29 médailles au total. 10 pour les femmes avec vice-championne olympique, 2 titres mondiaux et un titre européen. Comme notamment. 19 pour les hommes avec notamment double champion olympique, sextuple champion du monde et 3 fois champion d'Europe. Ce qui est fou, c'est que je m'étais calculé, j'étais déjà à 25 quoi. Allez, point pour Yacine. C'est terrible. Il avait 30 à pouvoir récupérer, c'est ça? Ils sont géniaux, ces gars. Rapidité, qui pas a dit en balle, non. C'est peut-être le pape. On dirait un peu John Belushi dans les Blues Brothers quand il va à l'église et qu'il voit la lumière. Je suis désolé, mais je peux bien décider, non? Alors c'est comme ça, mais ça doit pas être une chose importante, ça ne l'est pas. On comprend rien. J'avoue. Notre relation personnelle n'est pas importante. C'est quelque chose entre nous deux, c'est tout. Le reste, on est deux pilotes. On court ensemble. Sébastien Ogier. L'important, c'est d'être tranquille pour bien faire notre métier, et c'est tout. Il n'y a pas de Formule 1. Ah oui, il n'y a pas de Formule 1. Le reste, à mon avis, on perd juste notre temps à en parler. Thierry Neuville. On en a parlé dans un duel. Valentino Rossi. Non, Valentino Rossi, point pour Alex. Ah, joli. Après avoir refusé de serrer la main à son adversaire Marc Marquez pendant une conférence de presse. Il s'adore, c'est connu. Et oui. La bise Marc. D'ailleurs, Marc Marquez est depuis cette année le 9e de l'histoire à s'imposer sur 3 catégories de motos différentes. Donc les 500, les 250 et 125 pour ne pas les citer. Est-ce que vous en avez d'autres? Peak Time. Peak Time? Non, Eddie Bob. Eddie Bob? Non, c'est trop tard, c'était avant la question. Moi j'arrête. Les gars, vous en avez d'autres? Bah Rossi. Bah Rossi, oui. Ah. Lorenzo. Lorenzo, oui. Ouais. Jorge Lorenzo. Max Biaggi. Non. Casey Stoner. Oui. Dovizioso. Non. Comment il s'appelle? Mec dans les années 90 là. Ça commence par un D. Personne n'a d'autre. Je vais continuer parce que sinon on perd du temps. Mile Aylwood, bah Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Danny Pedrosa, que vous avez oublié. Ah, Phil Reed, Casey Stoner, je l'ai dit. Jim Redman et Luca Cadalora. Pour les Italiens. Rapidité. Dakar. Quelle était la particularité de la victoire de Carlos Sainz sur cette édition 2018? C'était pas en Afrique. Ça fait depuis des années que c'était pas en Afrique. Ça fait très longtemps. Il a évité la particularité de la victoire. Il a pas gagné une étape. C'était la... de Carlos Sainz. C'était la plus rapide. Non. Il a pas gagné une étape. Il a gagné, il plus, a gagné avec plus de 2 heures. C'est le plus vieux à gagner. Point. Pour Yacine. C'est le plus vieux vainqueur auto de l'âge de l'histoire avec 55 ans et 284 jours. Point pour Yacine. Solide. Ouais, il vient de bouger. Solide Carlos. Multisport. Non, je dis ça parce que j'ai pas envie. Je peux pas dire le sport. Pour quelle compétition, rapidité, a-t-on déclaré cela? Quel honneur de me tenir devant vous aujourd'hui, c'est un privilège et un plaisir de l'être en France. Ryder Cup, point pour Yacine. Ouais, ouais. L'histoire de l'Amérique ne peut être racontée sans évoquer l'étroite relation entre l'Amérique et la France, etc., etc. C'est Jim Furyk, le capitaine de la Team USA, qui l'a dit. Oh là là là là. Allez, on enchaîne. Rapidité. Coupe du monde ou Coupe d'Europe, je sais plus, de volley. Personne ne met son Helibop ni Peak Time, toujours pas. Championnat du monde, de volley cette année en août en Slovénie et en Italie. Quelle est l'équipe qui élimine en quelque sorte la France et qui gagne la compétition? La Pologne. États-Unis, Pologne. Guillaume et Yacine, point. Tac-tac. Ouais, Romain commence à perdre des points, attention. D'ailleurs, en quelle année, rapidité, la France l'a-t-elle gagné? 2016. C'était non, c'est la Ligue mondiale, c'est pas le champion du monde. Ouais, c'est vrai. Flo, est-ce que c'était éliminatoire? Non. D'accord. 2007, 2006, 2008, 2010, 2003, 2009. 2001. Ouais, bon, 2002. Je vous le laisse parce que là. Bah, 1997. 2005. Ouais, c'est très vieux, je pense. 118. C'est vieux. C'est une réponse que vous n'avez pas. 2012. Jamais. 11. Jamais. Ah, point Guillaume. Joli. Point pour Guillaume. Jamais gagné de championnat du monde. Futé comme un bison. On l'aurait su quand même, je pense. Rapidité. Deux records du monde sont battus à la date du 16 septembre 2018. Lesquels? Kevin Mayer. Kevin Mayer, point pour Romain, avec, au décathlon. Et Kipchoge, non, sur le marathon. Kipchoge en, ah, en marathon. Ah oui, solide. C'est vrai. Kipchoge. Un peu plus de 2 heures. Allez, question. 2 heures et une minute. Jeux Olympiques 2018. Jeux Olympiques d'hiver, évidemment. Rapidité. Quelle, le S, hein, évidemment, fut les nouvelles disciplines de ces JO 2018? Le ski, stamina. Non, c'est trop. Oui, c'est trop tard, c'est vrai. C'est combien de nouvelles disciplines? Il y en a une, deux, trois, quatre. Quatre nouvelles disciplines. Personne en a une? Bobsleigh féminin. Le quoi? Bobsleigh féminin? Non. Bobsleigh masculin. Non. Un genre combiné le ski alpin. Le big air, point pour Romain. Ouais, big air en snowboard. Ouais. Et après je passe. Donc épreuve de curling double mixte. Ah, oui. Épreuve de mass start en patinage de vitesse. Et épreuve surtout de slalom parallèle par ouais, équipe. C'est ça. Ah, ah oui, c'est ça. Ah, oui le team event. Ouais. Rapidité. Dans JO 2018 toujours. Dans quelle discipline tongien Pita Taofofoa ski de fond. Point. Oui. Et taekwondo. Oui. Il a fait taekwondo au JO 2016. Ah oui, 2016. Putain, on en avait parlé. Et il a fait ski de fond. On en avait parlé. Qui était là pendant la cérémonie d'ouverture. Oui. Ouais. On en a fait une autre question, d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a un qui s'en rappellera, parce que c'est pas moi qui l'ai fait cette question. Quel pays a remporté sa première médaille de l'histoire aux ces Jeux Olympiques d'hiver? Corée du Nord. Non. C'est à moi. C'est Yacine qui avait fait la question. C'est à moi. Ouais. Je l'Éthiopie. Non. Liechtenstein. Non, je me rappelle, parce que je me rappelle très bien. C'est un pays d'Europe. Bah, d'Europe, oui, d'Europe. D'or. Médaille d'or ou pas? Saint-Marin. Non, sa première médaille d'or. Sinon, j'avais la Hongrie, mais c'est pas la Hongrie. La Roumanie? La Hongrie. Je l'ai entendu, la Hongrie. Mmh. Bah, t'as dit, je l'avais la Hongrie, mais c'est pas la Hongrie. Ah, mais c'est pas alors, que... comment c'est on fait... première médaille d'or, alors, parce qu'ils ont déjà eu des médailles. Mais oui, c'est ça, oui. C'est pour ça que j'ai demandé la subtilité. Non, tant pour moi. Tant pour moi, monsieur spécialiste. En plus, j'ai même pas entendu Hongrie, c'est vrai que. Il est plus à un point près. Oui. J'avoue. Ouais, j'ai ralenti. Qui a remporté la première médaille pour la France? Perrine Lafond. Point pour Yacine. Perrine Lafond. J'ai du mal à parler. Ski de boss. À l'âge de 19 ans, ski de boss. À l'Open Sud. Qui a dit JO 2018, hein, toujours. J'ai eu beaucoup de propositions. J'ai même été très déçu par le romantisme. Personne ne m'a écrit vraiment. Lid Seven. Lid Seven. De jolis poèmes. Quel athlète a visiblement passé une mauvaise Saint-Valentin? Lid Seven. La championne américaine de ski alpin qui était célibataire à ce moment-là et qui voilà, cherchait son Valentin, tout simplement. Bah, la Monzero, dernier, qui suis-je? Né le 21 mars 1980. J'ai marqué cette année 2018, même si l'on parle très rarement de moi et de mes performances, bien que je possède un énorme palmarès. Une réponse seulement. Je le précise. Je suis tout de même sur la fin de ma carrière. À l'image d'un Roger Federer, je performe encore un âge très avancé pour mon sport. Je commence d'ailleurs ma période active dans ce sport en 1999. Éliminé. Mais c'est en 2000 que je fais mes débuts en Coupe du Monde. Seulement 2 ans avant que je remporte ma première course en Coupe du Monde. Depuis, j'en ai gagné 111 autres. Burdalen? Éliminé. Mais ce n'est rien face à mes 18 championnats du monde, mes 12 globes individuels et mes 8 médailles d'or au JO. Les Jeux Olympiques, je les marque également car je suis... Marit Bjørgen. Marit Bjørgen. Car je suis l'athlète qui a gagné le plus de médailles dans les JO d'hiver avec 15 médailles au total. Je suis une femme, une Norvégienne. Je suis Marit Bjørgen, encore une fois championne olympique cette année. 5 médailles. C'est terminé. On va écouter Alex pour son bilan de l'année en notre sport. Alex, tu as tous les sports à ta disposition ou presque. Oui. Quel est ton top de l'année, Alex? Alors mon top, je commence par le top, alors oui. On y va, donc le top Martin Fourcade, parce qu'il est tout simplement triple champion olympique, pardon. Il a remporté son 7e gros globe consécutif et il fait un 4e grand chelem à Coupe du Monde et c'est tout simplement extraordinaire. Très bien, je pense qu'on n'a rien à dire de plus sur Martin Fourcade. Ton flop cette fois-ci? Alors mon flop, c'est, comme c'est autre sport, c'est le combat de MMA Khabib McGregor pour la fin de match, parce que c'est intolérable de voir ce qui s'est passé, même dans un sport de combat, tout simplement. Rappelle-nous ce qui s'est passé. Bon, en gros, il y a eu du chambrage, puis après c'est. Il y a eu des chaises qui ont volé. Voilà, il y a des chaises qui ont volé. En gros, il y en a un qui est venu taper un gars du staff de Khabib qui est venu taper McGregor, et puis après les autres sont arrivés. Khabib a sauté de la cage pour aller taper sur le staff de McGregor ensuite, et c'est parti en pugilat, quoi. D'accord. Ton match de l'année. Alors mon match de l'année, j'en ai deux, un tout chaud et un plus ancien. Le tout chaud, c'est la victoire du hand féminin En championnat d'Europe ce week-end, 24-21. Et après, un peu plus ancien, c'est les JO d'hiver. C'est la finale de hockey masculin, puisque victoire 4-3, puisque c'est la victoire, donc officiellement, non pas de la Russie, mais de l'équipe russe, puisque. C'est une victoire. Hein. Voilà. Déjà, le Canada n'a pas gagné, ce qui est très rare. Et ensuite, par rapport à ce qui s'est passé pour les Russes, c'était quand même bien beau de les voir gagner. C'est la seule, je crois, médaille pour les Russes, parce que tout le reste était sans drapeau. Ouais, non, sans... mais c'est pas pour la Russie non plus. Ah, d'accord. Ah, non. Je dis la Russie, mais c'était l'appellation athlète de fédération de Russie. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Très bien, et dernièrement tu as ta révélation, Alex. Voilà, alors concernant la révélation ou espoir, j'en ai mis deux, un homme, une femme, pour faire la parité. Donc du côté féminin, c'est Perrine Laffont, avec son titre olympique en ski de boss, qui apporte aussi sa fraîcheur, son sourire, etc. Et ensuite, je cite un cycliste, c'est Julien Alaphilippe, qui vient de faire une saison 2018 extraordinaire, avec la Flèche Wallonne, le maillot de meilleur grimpeur, deux victoires d'étape sur le Tour de France, le Tour de Grande-Bretagne, et également la Classica San Sebastian, et c'est pour moi, il va faire de belles choses dans le futur. Attendez. Je sais que ça fait plaisir pour Romain, ma petite classique Saint-Sébastien. Cache ton sourire. On va passer à notre deuxième sport, parce qu'on est bien en retard. Merci Alex. On passe au foot. On passe au football, cher Tom. Sport and chill, le quiz. Oui, on n'a pas de jingle pour le foot, vous l'aurez compris. Mon poteau. Il l'a fait à notre place, Guillaume. Ça sera un point, allez. Il va aller gagner comme ça, parce qu'au niveau des autres sports, c'était pas génial. Hein. Allez, il y a 20 points à prendre, c'est pas terminé. C'est énorme. C'est maintenant. J'ai fait un tour d'Europe et des 4 grands championnats, il y a une question chacun, qui sont tous les 4 centrés sur les entraîneurs. Oh. Et ça, c'est joli. Question rapidité. Parmi les 20 entraîneurs en Liga 2017... Pas de peak time ni rien. 2018, tu veux dire? Non, Liga 2017. Ah. 2017-2018. Oui, d'accord. La saison dernière. La dernière saison. Attention, il reste encore Eli Bob pour Romain et Yacine, et les peak time pour tout le monde. Parmi les 20 entraîneurs, 3 n'étaient pas espagnols, lesquels? Zinedine Zidane. Zidane. Berizzo. Non. Sampaoli. Sampaoli, ouais. À la fin de l'année, en 2018, non. Ouais. Attends. 2017-2018. À la fin de l'année. Puis pour le mec de Zidane, Simeone. Simeone. Simeone, ouais. Ah oui, Simeone. Et Valverde. Non, il est basque. Pas argentin. Un ancien joueur. Un ancien joueur. Et oui, à Valence. Non. Non. Ah, non, il est pas à Valence. À la Corogne. Oui. Oula. Seedorf. Clarence Seedorf. Ah oui, c'est vrai. Allez, point pour Yacine, point pour Alex. Point pour moi. C'est cheaté aussi. Mais ouais, bon. Seedorf, il a entraîné la Corogne. Oui, ça, on l'a rapidement oublié. Avant d'aller au Cameroun. Sélectionneur du Cameroun. Ouais, c'est ça. Ah bon. C'est aussi pour les entraîneurs en première ligue. J'ai choisi le départ d'Arsène Wenger. J'avais déjà posé cette question, tour de table. Après 1235 matchs, il a quitté Arsenal en gagnant 1-0 en s'imposant contre Huddersfield pour son dernier match. Combien de pourcentage de victoires pour l'entraîneur français à Arsenal en comptant toutes les compétitions? On fait un tour de table aussi. Tour de table, ouais. Tu commences d'ailleurs. 61. 67. 67. 57%. 57%. J'allais dire 58. 58. Non. Romain. Ils jouent en première ligue. 59. Tu prends le point, team. 57,2. Ah. Donc tu es le plus proche. Ah, man. Pour un gunner, ça me fait plaisir. De victoire à Arsenal. En effet, 3 points. On va dire 1,2 quand même. Cette fois-ci, ouais, ouais. Peak time. Attends, j'ai même pas encore dit la discipline. T'es sûr de vouloir le faire? C'est du foot. Ah, mais c'est du foot, mais. Le championnat. Ah, c'est le championnat qui va dire. Serie A 2000. Serie A. C'est sûr de toi. Non, je laisse à Yacine, tiens. Ça aurait été un challenge. Ça. Personne ne le dit, d'accord, très bien. Parmi les entraîneurs de Serie A, très nombreux ont joué rapidité. Hein, ont joué en Serie A avant et sont maintenant des entraîneurs. Des joueurs qui ont joué notamment chez le champion en titre, la Juventus. Je pourrais citer des Italiens, Fabio Pecchia qui entraîne le Velas, Stefano Pioli qui entraîne la Fiorentina, Gian Piero Gasperini qui entraîne l'Atalanta. Il y en a un qui a beaucoup plus marqué la Juventus et qui en entraîne maintenant. Qui entraîne maintenant. Non, l'année dernière, 2017-2019. Ah, 2018. D'accord. Qui entraîne maintenant un des clubs en Serie A. Qui est-ce ? Filippo Inzaghi. Non. Cette... Tu as dit 2017-2018. Ah oui, c'est vrai. Putain, je suis bête. Simone est un ancien joueur de la Juve qui a entraîné, qui entraîne. Pavel Nedved. Non, il est directeur sportif. Club de Serie A. J'ai cité trois anciens joueurs de la Juve, mais ils ont joué très peu à la Juve et c'était pas. Voilà. Ils ont pas marqué le club. Lui est quand même beaucoup plus marqué le club. Piero, il a pas joué. Il était pas entraîneur. Non. Un défenseur. De la royauté anglaise. Canava. Hein, c'est une... La royauté anglaise. Oui, ça a un rapport son nom avec la royauté anglaise. Attends, oui. Un des rois anglais très importants porte ce nom. Enfin, une famille. Igor Tudor. Igor Tudor. Ah, Igor Tudor. Le défenseur de la Juve qui entraîne l'Udinese. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, faut savoir qu'il entraîne l'Udinese. Allez, dernier, Bundesliga 2017. Personne. On parle avec souvent. On parle souvent des tours de table. On parle souvent des retours de Jupp Heynckes au Bayern pour sauver le club. Combien de fois est-il revenu entraîner le Bayern ? Enfin, combien de fois est-il venu entraîner le Bayern ? Ah, venu ? Ouais. Tour de table. Tour de table. Alex, tu commences. 5. 5 fois. J'aurais dit 4, moi. 4 fois. 4. 4. 4 aussi. 4. 6. 6. 3. 3. C'est 4, en effet, 4 fois. 87, 81, ouais, 91, 2009, 2011, 2013, 2017, 2018. 2019 bientôt peut-être. Oui, parce que mon Kovac, là... Ils seront champions et... Tranquillement. Un beau duel contre Liverpool. Allez, Coupe de France. J'ai dit la réponse, bravo. C'était quelle compétition a fêté son centenaire cette année ? Coupe de France. Merci Flo. Question Ligue 1. Un point pour Flo. Peak time. Allez, peak time pour Guillaume. Les fondamentaux. Hein. C'est bien parce que, question géniale, la saison 2017-2018 a connu pendant la journée 8 et 12 les journées les plus prolifiques avec 34 buts. Par contre, la journée 6 avec le moins de buts, avec 14 exactement. Cependant, il y a une particularité à cette journée. Laquelle ? Le plus de 0-0 ? Non. Le plus de buts inscrits à l'extérieur ? Non. Le plus de matchs par un but d'écart ? Non. Le plus de triplés marqués ce jour-là ? Non. De doublé. Bah non, c'est un match avec 14 buts dans le week-end. Ouais, c'est concentré sur un joueur. Le plus de cartons rouges. Non. La moitié des équipes n'ont pas marqué. Le plus de matchs nuls, tout simplement. Pas de 0-0. Pardon ? Il n'y a pas eu de 0-0, il y a eu que des 1-0. Il y a eu que des 1 partout, quoi. On est d'accord que c'était pas clair. En fait, c'est que des matchs nuls. C'est des matchs nuls, mais toutes les équipes ont marqué un but. C'est trop tard, de toute façon, Yacine l'a dit après. Guillaume avait dit des 0-0, t'as dit non, donc moi je dis tout simplement celui où il y a eu le plus de matchs nuls. Donc ça peut être 0-0, 1-1, 2-2. C'est sans doute pas ça, mais. Non, c'est bien, Yacine, il y a eu aucun 0-0 et il y a eu 14 buts tout de même. D'ailleurs, le MHSA a gagné 1-0 à 3, si tu veux, ça veut tout savoir. Jérôme, malheureusement, aussi, Guillaume marqué, peut-être. N'a pas réussi. Il a dû avoir pas mal de 1-0, je pense. Si aucun marqué. Question Ligue 1. Tour de table. Combien de fois l'Olympique de Marseille a-t-il joué le dimanche à 21h cette année sur les 18 journées de Ligue 1? On peut enlever deux journées, sachant qu'il y en a deux qui n'ont pas été jouées avec les Gilets jaunes. Mmh. Donc sur 16. Combien de fois les Marseillais ont joué le dimanche soir à 14. 21h 14. 14. Allez. Pour aller 12. 12. 15. 15. On est parti. 13. 13. Ils ont joué beaucoup. 12 pour correspondre au sud de Marseille. 12 pour moi aussi. Bon, pour Romain Guillaume, c'est 11 seulement. 14 ont été joués le dimanche, mais pas le dimanche soir. 14, ça m'aurait passé. Ça a marqué un point. Ah. Les, oui. Parfait. Merci l'OM. J'ai question ballon d'or. Les gars, il va falloir poser son peak time parce qu'il est 56 un jour. Voilà. Allez, peak time, je pose. Il y a dommage. Luka Modric, premier croate, a gagné le ballon d'or. Rapidité. Qui sont les autres joueurs d'un pays ex-Yougoslavie ou de la Yougoslavie figurés sur le podium? Et Prozinecki. Mais il connaît les questions Non. D'abord Schuker, 98 avec le Real Madrid. Est-ce que quelqu'un d'autre? Robert Pozinecki. Georgia Adji. Non. Savicevic. Savicevic. 80. Ouais. 91. Mihailovic. Georgia Adji. Non. Mihailovic. Ouais. Bojinovic. Voxic. Non. Voxic, ouais. Panasonic. Ça fait Tsuzic. Non. Yougoslavie. Bon, Yougoslav, donc. Je vais donner le point à Yassine parce que c'est très vieux. Dragan Zavic en 1968 avec l'étoile rouge. Dejan Savicevic et Darko Pantsev en 91 avec l'étoile rouge. Derrière notre JPP. Pedrag Mijatovic en 97 avec le Real Madrid. Ouais. Davor Šuker en 98 avec le Real Madrid et la Croatie. Pour être... N'oublie pas, pour être honnête, qu'il a mis son peak time aussi, Yassine. Oui, c'est vrai. T'as mis ton peak time aussi? Oui, il avait dit. Les deux avaient dit. Combien il reste de questions pour le peak time? J'ai bien proposé un premier peak time. C'est pas mal, mais c'est le temps qui reste pas. D'accord. Voilà. Bon, c'est la dernière, le peak time. Allez, très rapide. Ligue des champions féminines, avec son 5e titre de championne d'Europe, lequel club, les Lyonnaises dépassent elles? Wolfsburg. Wolfsburg, en termes de titre, non. Francfort. Ouais. Allez vite. Quelle catastrophe. Citez-moi, et j'aime bien celui-là, Ligue des Champions 2018. Donc cette année 2018-2019. Ouais, citez-moi le seul club des phases de poule à n'avoir jamais été champion de son pays. Liverpool? Ah si, Liverpool était champion d'Angleterre. Ouais, mais pas de Premier League. Hein? Si, si, ah, non, mais non, de son pays, dans l'histoire de son pays. Ah d'accord. Schalke? Non, c'est pas ça. La Premier League, on a jamais le dit. Seul, il y en a qu'un. Hey, attention, c'est un club que un club français a joué. Bruges. Non, Bruges a déjà été champion de Belgique. Oui, c'est d'ailleurs il est champion de Belgique. C'est pas Hoffenheim? Hoffenheim. Ah ouais, Hoffenheim, bien joué. Oh là là, je suis nul. Elle est jolie celle-ci. Le chiffre 32 en Coupe du Monde. C'est la dernière Coupe du Monde à 32 équipes. Non, ça peut être, mais c'est pas ça. Équipe de France. 32,40 exactement. Non. La vitesse enregistrée de Kylian Mbappé. Point. Ah, oui. Oh joli, contre l'Argentine j'imagine. Face à l'Argentine. Ouais. Flashé à 32,40 km/h face à qui a déposé Marcos Rojo. Point pour Alex. Ah, il vient de bouger Kylian. Parce que rouge. Hein. Coupe du monde 2018. Combien de passes a été réalisé pour Florian Thauvin dans cette Coupe du monde? Tour de table. Zéro. Ouais, zéro. Non, t'as dit zéro. J'ai dit zéro. Oh la sévérité de l'homme. Non, mais Yassine, tu fais plusieurs fois qu'il lance des trucs et après il se revient dessus. Il a pas joué beaucoup. Romain. Un. Moi je dis un. Un. Je m'appelle pas Romain, mais je dis un. Ouais. Ben moi je dis trois. Trois. Deux. Deux. Ouais, deux aussi. Deux. Quatre. Point. Ça fait un, en effet, une passe, donc 100% de réussite. Bravo à Florent. Encore l'OM, 3 points grâce à l'OM ce soir. Franchement, sur les trucs comme ça, là, sur les trucs au hasard, là, je suis nul. Ouais. Allez, qui suis-je? Je vais terminer, pas par ça, mais peak time. Peak time aussi. Bah, prenez-le maintenant, oui. Non, j'ai pas, j'en ai encore d'autres, mais peak time. Pour qui? Alex? Non, Guillaume et Romain. Romain, Guillaume. Je tente un truc là. Guillaume, le géorgien. Toi et qui suis-je, ça m'a paru. Né le 13 février 1979, j'ai marqué la Coupe du Monde de football pour quelque chose de précis. Avant ça, une très grande carrière avec 6 clubs différents dans 2 continents différents. Je commence ma carrière pro en 1996 dans un club dans lequel je rejoue actuellement. J'arrive en Europe 3 ans après, mais c'est en 2003 que véritablement ma carrière européenne démarre, où je suis le deuxième joueur de mon pays à porter le maillot de cette prestigieuse équipe européenne. Après 7 ans et 2 titres majeurs du football européen, je repars dans le continent américain avant d'effectuer une petite pige entre 2014 et 2016 en Italie au Hellas Vérone. Luca Toni. En 2018, je rejoins un groupe très fermé des joueurs à avoir participé à 5 Coupes du Monde. Je suis Marquez, non mais Raphaël Marquez. Légende du football mexicain, de Monaco, du Barça ou de la classe de Guadalajara. Oli. Je suis Raphaël Marquez, point ça, pour ça, Romain. Allez, on va finir là-dessus. Bon, presque. D'ailleurs, c'est quoi les autres questions? C'est quoi les autres dans les 5 Coupes du Monde? Les 5 joueurs? Les joueurs qui ont gagné, qui ont fait 5 Coupes du Monde. Maldini. Non. Blanco. Cafu. Blanco. Buffon. Buffon. Buffon. Ouais. Cafu. Farid Mondragon. On dirait un de Harry Potter. C'est le Colombien, ça? Non, l'Équatorien. Le Colombien. Non. Lothar Matthäus. Lothar Matthäus. Beckenbauer. Non. Et vous l'aurez pas, c'est Antonio Carbajal. Carbajal. Dernière question. Peak time. Deux points. Peak time. Dernière. Ah mince, j'en ai. Bah, je... Est-ce que je pose mon Edibop? Je le pose. Tu peux poser ton Edibop. Je le pose aussi. Moi, je 2 points. Je pose le Peak Yacine, Time. Yacine, Romain. Bah si, j'ai le droit. Bah oui, ils ont réussi. J'ai gardé Peak Time et Edibop pour les deux derniers. Enchères. Donc les enchères. À chaque poste, selon Foot Mercato, selon eux, en 4-3-3, si on faisait l'équipe type des plus gros transferts de l'histoire du football, quelle serait cette équipe? À chaque poste, un 4-3-3, attention, je vous donne une petite indication, il y a un milieu de terrain qui est beaucoup plus attaquant que milieu, pour moi. D'accord. Beaucoup plus, ok. Il faut qu'on mette l'équipe, là? Faut qu'on donne l'équipe? Bah on va faire un... Non, on va faire peut-être pas en chair, on va peut-être faire en chair, on va faire tour de table. Ouais, plutôt, non. Sinon, c'est pas gagné. Tu commences, Tim. Bouffon. Non, le plus cher. Le plus cher de l'histoire. Ah d'accord, non. Bah, allez, je sais pas, Mbappé. Mbappé, oui, 145 millions. Yacine. Alex, pardon, c'est dans le tour. Neymar, 222. Guillaume. Mbappé. Mbappé, je viens de le dire, quoi. T'as pas dit. Si, il a dit Mbappé. Il a dit Mbappé. Allez, deuxième, Pogba. Dépêche. Pogba, oui. 105. Virgil van Dijk, 84 millions. Romain. Putain, 84. Après, j'ai mis mon Elibop, mais. Ah oui, t'as mis ton Elibop. Yacine aussi. Non, mais vous jouez pas. Team. Gareth Bale. Oui, mais. Éliminé. Mais je vais vous en prendre. Ah bon? Ouais. Voilà, c'est ça. Kepa. Éliminé. Dembélé. Ousmane Dembélé, ouais. Le milieu qui fait attaquant. C'est pas le gardien le plus cher, Kepa? Ah, c'est une option, comme tout à l'heure. Kepa, non, c'est une option. Ouais. Allison. Allison, Becker, Liverpool, 62 millions. On a quoi? Pas cher, je joue Liverpool. C'est à moi, là? Éliminé, ouais, Team, on est d'accord. Ouais, ouais. Il reste, ouais, Guillaume, les deux Guillaume pour la finale. Il reste 3 défenseurs, un milieu et un attaquant. 3 défenseurs, un milieu. Allez, dépêchez-vous. C'est la dernière question. Aymeric Laporte. Aymeric Laporte, 65 millions. Philippe Coutinho. Philippe Coutinho, milieu, 120. Je vais penser à ça. Higuain. Non. Éliminé. Guillaume, t'en as un. Moi, je... Laporte, il est en centrale ou arrière gauche? Laporte, il a dit. Il a dit Laporte. Oui, non, mais je pose une question. Il est en centrale. Il est en centrale. Benjamin Mendy. Benjamin Mendy, ouais, 57 voilà. millions. Kyle Walker, 52 millions. Yabonucci. Et Cristiano Ronaldo, ah, à la Juve. Et ouais, 112 millions. Point pour Guillaume. On va terminer là-dessus. Yacine, très rapidement, ton top flop machin. Je suis désolé pour le retard, on va aller très rapide. Il nous reste que quelques minutes. Yacine, ton top de cette année. Alors, le top, c'est un cri de cœur par rapport au jeu de Liverpool. Par rapport notamment à son philosophe qui est Jürgen Klopp, qui. A fait jouer la saison dernière et c'était encore également du football avec un bloc équipe très haut qui toujours tourné vers l'offensive, qui presse très haut et qui marche avec des joueurs de qualité. Donc voilà pour mon top, en espérant que ça continue. Oui. Par rapport au flop, ça reste une autre philosophie de jeu qui pour moi semble être désormais pas dans les poubelles, mais en tout cas est amené à se réformer profondément. C'est le jeu de l'Espagne, dont l'apogée pour moi de la caricature était le match face à la Russie en 8e de finale, pour très peu d'occasions, et une élimination qui m'a paru logique au vu de la philosophie qui ne marchait plus, on l'a vu pendant cette Coupe du Monde. Ma révélation, alors Lucas Hernandez. Oui, Lucas Hernandez, car une Coupe du Monde ultra solide, révélation même sur le long terme, il s'est révélé solide avec l'Atlético tout au long de la saison, donc un gros big up envers Lucas Hernandez qui mérite largement au vu de ses prestations ce titre honorifique de meilleur espoir. Et je dirais que mon match qui m'a le plus marqué, c'est Real Juventus au match retour. Je rappelle le contexte rapidement, on est en quart de finale de Ligue des Champions, la Juventus vient de perdre 3-0 à l'Allianz Stadium et doit refaire les 3-0 au retour pour espérer une qualification, voire en tout cas une prolongation avant. C'est chose faite avec un doublé de Mandzukic et un but de Matuidi. Le Real semble prendre l'eau jusqu'à cette 97e minute où Benatia commet un pénalty sur Lucas Vázquez. Ah oui, généreusement accordé. C'était pas Bernabéu, ce match. C'était au Bernabéu. Donc Ronaldo qui transforme le pénalty, ça fait 3-1 alors que la Juve était tout proche d'une prolongation historique. Donc ça a été le match le plus spectaculaire, le plus dramatique en termes de suspense. Voilà pour. Ouais, bon choix. Voilà, joli. Voilà, c'est parfait, c'est concis, c'est propre. Et merci Yacine. Dramaturgie pour un des membres pour vos fois ici présents. Allez, on va terminer cette émission qui est décidément très longue. Le champion de tennis ce soir est Romain. Il est aussi champion de NBA. Il est aussi champion de rugby. Il est aussi champion de sport montpelliérain. Il est aussi champion des autres sports. Seul Yacine est champion de football. Romain est champion avec 32 points. Yacine est deuxième avec 25 points. Et le reste, 10 points, 11 points, 12 points, 11 points. C'est très loin pour le reste. Je suis désolé, messieurs. Romain était très chaud. On voit qu'il ne travaille pas. Exactement. Faut pas qu'il ait pas trop. Et on le félicite pour cette victoire. Meilleur quizzer de cette année. Eh ben, 2018. Et le faiseur de questions. Hein. Il a après Yacine l'année dernière, je il crois. Il n'a pas le droit de boire la bouteille. Allez, pour j'ai ramené une bouteille pour trinquer. Ben, avec modération. On vous remercie, s'il vous plaît, messieurs, d'être venus, d'avoir joué avec nous ce soir et d'avoir un peu donné votre bilan de cette année. On remercie les auditeurs qui nous ont supportés toute cette année 2018. On promet de belles choses en 2019 avec des très beaux invités. On vous en dit pas plus. Ça annonce du lourd, on le sait. On remercie le Krebs d'être toujours avec nous et on remercie la technique de nous avoir supporté, surtout ce soir avec ses 7 minutes de retard. Merci facile. Tom. On se donne rendez-vous en 2019. Bonne fête à tout le monde. Le 7 janvier, ce sera. Le 7 janvier pour une émission au Krebs à l'extérieur sur le dopage du sport. Ça n'existe pas. On se donne rendez-vous à cette date-là. On se dit bonne soirée, bonne fête, joyeux Noël ceux qui le fêtent. See you soon. Et bonne année. Bonne soirée, bonne fête. Allez, bonne soirée. Vous êtes sur Radio Campus Montpellier. Comme une radio libre qui chevauche ma longueur d'onde normale. Campus Montpellier, l'éclairant sonore.